La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je repense, sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime. Savoir être mal jugé, endurer les jures même du monde, être méprisé jusqu'au bout, je veux te suivre À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Lui perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie. Jésus, le seul bien, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Si tel est aussi ton désir, c'est le moment opportun et idéal d'élever la voix vers lui et dire: Seigneur, soutiens-moi sur ce chemin, afin que je puisse parvenir jusqu'au bout sans murmure, sans mauvaises pensées, sans avoir de mauvais désirs, sans te tenter sur le chemin. Je veux te suivre jusqu'au bout. Élevons la voix et prions. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, c'est toi qui as dit ouvertement, ô Père, que nous ne pouvons rien faire sans toi. Que sans toi, ô Dieu, nous ne pouvons absolument rien faire. Par ainsi, Seigneur, tu nous as enseigné que nous avons besoin de toi sur tout le chemin. Parce que c'est toi seul, ô Seigneur, qui connais le chemin, qui est la vérité et qui est la vie que tu es. Et c'est toi seul la porte, ô Dieu, pour faire entrer les brebis et qui peuvent entrer et ressortir et trouver des vers de pâturage. Seigneur, sans toi pour nous conduire, ô Dieu, nous ne pouvons arriver. Et si toi-même, tu ne nous soutiens sur le chemin, et si tu ne gardes notre cœur loin des murmures, loin des calomnies, loin des mauvaises pensées, ô Seigneur, nous allons te tenter sur le chemin. Et nous allons attirer ainsi ta colère sur nous et qui nous détruira. Père, nous ne voulons point être détruits. C'est pourquoi, Dieu juste et saint, nous te supplions de nous affermir sur ce chemin. Afin que, Père, nous puissions quitter ce que nous aimons et que nous te suivons, ô Dieu, sur ce chemin étroit. Oui, Dieu juste et saint, nous voulons te suivre. Oui, nous avons accepté perdre notre propre vie et consentir, Seigneur, à n'être rien, être uniquement ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, de faire mourir dans notre vie notre propre volonté et que seule ta volonté subsiste et vit avec nous. Afin que, où que nous soyons, quoi que nous fassions, Seigneur, nous le fassions selon ta volonté et selon ton bon plaisir pour accomplir ton dessein parfait que tu as commencé dans notre vie. Car nous savons, Père, que tu es parfait dans ton dessein et ce que tu as commencé, toi-même, tu achèves. Seigneur, nous te supplions, ô Dieu, de nous garder, ô Père, de nous garder dans ce monde ténébreux, dans ce monde rempli de sédition, de garder nos yeux fixés vers toi. Et qu'en tout lieu, Père, en tout moment, nous nous souvenons, ô Dieu du calvaire, de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, de ses cris, de ses peines, de son amour manifesté à Golgotha pour nous racheter. Seigneur, nous voulons demeurer dans cet amour, nous voulons demeurer dans cette promesse, nous voulons demeurer, ô Dieu, dans ce que nous avons entendu et ce que nous avons reconnu certain, conformément à ton évangile, Seigneur, nous voulons y demeurer. Affermis, Père, notre vie, affermis notre cœur, affermis notre vocation, afin qu'en toute chose, Père, que ta volonté passe avant toute chose, et que nous ne faisons que ce qui t'est agréable. Car le désir de mon cœur, le désir de notre cœur, c'est te plaire, Dieu juste et saint, c'est te plaire, toi qui nous as enroulés. Nous voulons faire ta volonté, nous voulons faire toujours ce qui est apprécié, approuvé par toi. Père, garde-nous dans le chemin de la vérité. Garde-nous dans ton amour et donne-nous à manifester ton amour et à vivre la vérité que tu nous as enseignée, que tu nous as fait connaître. Père, donne-nous, ô Dieu, à déposer notre confiance en toi, toi qui es notre espérance, toi qui es notre avenir, toi qui es notre précieux trésor. Donne-nous, Dieu juste et saint, qu'en tout lieu, en tout moment, nous pensons à toi et rien qu'à toi. Car c'est toi notre Dieu, c'est toi notre Seigneur, c'est toi notre Sauveur, c'est toi notre Père, c'est toi notre Guide, c'est toi notre Consolateur, et c'est toi notre Avocat. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père, et nous te disons merci. Merci, Père, de ce que tu t'es fait agneau pour nous conduire, tu t'es fait Avocat pour nous, tu t'es fait Seigneur et Dieu pour nous, et tu t'es fait Père pour nous, et tu nous as donné à t'appeler Père. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Donne-nous, Père, qu'en tout chemin, qu'en tout moment, ô Dieu, nous nous tournons vers toi et que nous nous appuyons uniquement sur toi et rien que sur toi. Car c'est toi le rocher des âges, c'est toi le rocher de l'assurance. Père, nous te supplions de toujours nous donner aussi, de te faire confiance jusqu'à la mort. Oui, Dieu juste et saint, donne-nous, Père, de ne point être effrayé par des anathiens. Oui, Seigneur, par toutes les preuves qui s'y présentent au-devant de nous. Donne-nous, Père, à comprendre que tu es celui qui permet l'épreuve et tu ne permets jamais ce qui est au-delà de notre force. Donne-nous, Père, à tenir ferme devant l'épreuve et attendre jusqu'au moment que tu as choisi pour te glorifier, afin qu'ensemble, après que tu t'es glorifié, nous célébrons la louange de ta gloire avec joie, avec honneur, Père. Car tu es bon et tu es bon. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour ta bonté. Merci encore pour ton amour profond qui dépasse, qui surpasse toutes choses, toutes richesses, toute gloire. Merci Père parce que tu nous as accordé le privilège de nous prosterner et t'invoquer. L'honneur et la gloire te revient Père dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Veillons nous asseoir bien-aimés les uns les autres. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comment vous allez? Très bien. de bien voir la grâce de Dieu. Y a-t-il des questions? Au chapitre 16, je lisais là, je lisais comment le Seigneur donnait les instructions. Il disait que on ne doit pas entrer dans la maison de quelqu'un qui est mort pour manger, on ne doit pas pleurer. Il fallait quand même les instructions. Il disait que tu ne dois pas entrer dans la maison de quelqu'un qui est mort, tu ne dois pas manger le pain, tu ne dois pas. Il disait, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Tu ne prendras pas de femme et tu n'auras ni fils ni fille dans cet endroit. En effet, voici ce que dit l'Éternel au sujet des fils et des filles qui naissent ici. De leur mère qui les ont mis au monde, de leur père qui les ont eus dans ce pays. Ils mourront de maladies graves sans que personne ne les pleure. Et je les ensevelisse. Ils deviendront pareils à du fumier sur la terre. Ils seront exterminés par l'épée et par la famine. Et leurs cadavres serviront de nourriture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Oui, voici ce que dit l'Éternel. N'entrez pas dans une maison où l'homme se réunit pour un deuil. N'y va pas pour pleurer. Ne les plains pas, car j'ai retiré ma paix à ce pays. Déclare l'Éternel, ainsi que ma bonté et ma compassion. Grands et petits mourront dans ce pays. Ils ne seront pas ensevelis. On ne les pleurera pas. On ne se fera pas d'incision de gel que l'on ne se et l'on ne se rasera pas pour eux. On ne rompra pas le pain quand on mènera le deuil pour consoler quelqu'un au sujet d'un mort. On ne lui offrira pas la coupe de consolation au décès de son père ou de sa mère. Tu n'entreras pas non plus dans une maison où l'on festoie pour t'asseoir avec eux, pour manger et pour boire. Car voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Je vais faire cesser de cet endroit. Bon, c'est juste là. Ça, c'est Jérémie combien? C'est. Oui, et la question c'est quoi? La question c'est, est-ce qu'il dit qu'on ne doit pas pleurer le deuil ou bien c'est comment? Il dit à qui d'abord, quand tu lis là-bas? Ça c'est annonce des fléaux. Il parle à Israël. Non. À qui est-ce qu'il dit de ne pas entrer dans un endroit où il y a le deuil et ainsi de suite? Il faut que tu identifies. Est-ce qu'il dit à Israël? Il parle à Jérémie. Il parle à Jérémie. Que Jérémie n'est pas pas. Que Jérémie n'est pas pas. Pourquoi? Il dit clairement parce que j'ai enlevé ma compassion et ma miséricorde. Il dit, et toi, ne décède pas pour ce peuple, parce que le peuple a été désobéissant. Dieu ne le dit donc, il a enlevé la paix. Ils vont être frappés par la famine, par la destruction. Donc, si tu entends le Dieu qui crie là-bas, ne pars pas, c'est moi qui suis en train de frapper. Dieu n'est pas en train de dire que désormais, je crois que c'est quelqu'un meurt, ne pars pas. Quand tu les vis, vous comprenez ce qu'on a dit. Il n'y a pas de sympa, commandement qui a dit que si les gens meurent, n'y va pas. D'accord? Il a les parler parce que le peuple est têtu, et Dieu dit qu'il va les frapper. Bon, Dieu veut les corriger. Oui. Des questions? Mon frère, oui. C'est une question que tu avais posée depuis. Bon, dans Matthieu 7, oui. C'est moi ce matin, à partir du chapitre 6. Verset 6. À partir du verset 6, non? Oui. Bon, ça commence à partir du chapitre 7. Nous sommes ce matin, là, jusqu'à la 7. J'avais demandé comment chercher le royaume de la justice de Dieu. Oui. Justement, parce que c'est une question que. J'expliquais encore ça des mots fâchés que je me sentais trop attiré par la parole et ça me faisait perdre mon esprit, ça me faisait comprendre les choses. Ça me faisait penser qu'il fallait plus que soit approché de Dieu pour pouvoir. Et même comme ça, malgré le fait que je soumettais ça à des personnes, on me laisse moins de gérer. Mais je me sentais toujours un peu. Je ne sais pas si. Il avait toujours dit que Dieu fâché, je ne sais pas si c'est mauvais ou si je prends souvent mal la chose. Mais. Je me sens trop attiré. Par quoi? Par la parole. Mais si tu te sens attiré par la parole, c'est la meilleure chose qu'un autre humain puisse avoir. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il est pris pour séparer de ça. Hein? Non, parce que c'est que ça me fait un peu. Je passe plus de temps là que dans autre chose. Ça, c'est encore très bien. Tu veux qu'il prie pour que ça diminue? Non, je veux juste. Si tu veux qu'on prie pour que tu ne parviennes pas à passer le temps là davantage, on prie. Non, je dis, est-ce que c'est mauvais ou si c'est parce que si ça handicap, il y a d'autres choses. Entre toi et moi. qu'est-ce que pour Dieu est plus important pour toi? Je vais te dire, où sommes un, on y va. Rapidement, rapidement, avant qu'on avance. Dans le psaume, tu y es, hein? Oui. Allons-y, heureux. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit à sa saison et son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Bon, on a dit que tu étais que c'est la personne qui reste près de la voie de l'Éternel, qui est midi, jour et nuit. On dit qu'il est malheureux, mais il est heureux. Il est heureux. Et comment tu peux me poser la question? Tu ne veux pas être heureux? Si. On est tous les médias jour et nuit. Cette personne est heureux. Lui me pose la question qu'il y a le problème. Il a le problème d'être heureux avec Dieu. C'est ça que tu en fais. Parce que tu dis que tu te sens toujours attiré là-bas. La Bible dit que tu es heureux, justement. Heureux, celui qui ne marche pas selon le méchant. Donc, tu ne s'assois pas comme les autres personnes. Qu'il ne s'assois pas en compagnie de mon père. Mais qu'il se trouve son plaisir à la loi de l'Éternel. Quelque chose a été connecté avec toi. Et qu'il a le médias jour et nuit. La Bible a promis là-bas que tout ce que tu vas faire va réussir. Ou bien on priera que Dieu me souligne ça. Oui. Je ne sais pas si tu as bien suivi son problème. J'ai bien suivi le problème. T'inquiète pas, tu me dois bien suivre. J'ai bien suivi son problème jusqu'à plus que lui-même. Et c'est où il a de vouloir venir. Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? On priera que ça diminue, ou bien que tu équilibres. Bon, on va faire quelque chose. Brûle ta Bible. C'est ça, non? Ou bien tu poses la question autrement. Parce que la façon dont tu as posé, c'est comme ça qu'il faut répondre. Ça va, je comprends. On laisse alors comme ça, non? Ok. Tu as entendu, tu as vu, non? Des questions? S'il n'y a pas de questions, je ne sais pas si vous permettez. Je mets quelque chose là, on suit ensemble. Et puis vous suivez tout attentivement, d'accord? Je voulais poser une question. Oui. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on devrait se comporter, mais il y a des choses sur lesquelles je m'interroge dans notre monde actuel. Surtout lorsqu'il y a des deuils, quelque part. Le sort qui est réservé, par exemple, à celui qui est décédé. Oui. On amène le corps à la morgue qui passe des mois et des mois. Enfin, les gens se tiraillent et tout. Est-ce que c'est comme ça que ça devrait se faire? Est-ce qu'on doit pleurer celui qui est décédé? Est-ce que il y a un tas de questionnements dans mon esprit qui taraude autour de cela? La principale question, c'est quoi? Ou bien qu'on pleure, ou bien qu'on enterre, la façon dont on fait. C'est la façon de faire. Ecclésiaste, chapitre 7. Ouvrons dans Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 7. Donc après Proverbe, là, vous avez trouvé Ecclésiaste, chapitre 7. Lis le verset 1, 2 et 3, allons-y. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil et qui est fréquent parmi les hommes. Où me voyez? Où me voyez? Ce n'est pas un problème qu'il nous cherche comme ça là. Ecclésiaste chapitre 7, Dieu commence à 6. Attends. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Oui. Et le jour de la mort. Que le jour de la naissance. Stop, regarde-moi. On dit que le jour de la mort est plus bien que le jour de la naissance. Qu'est-ce que les gens célèbrent ici normalement? Là. Comment tu me regardes comme ça? Il dit que la Bible dit qu'une bonne réputation vaut mieux que ceci. Et que le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Continuons. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Oui. Car c'est là la fin de tout homme. Oui. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Oui. Mieux vaut le chagrin que le rire. Oui. Car avec un visage triste, le cœur peut être content. Oui. Le cœur des sages est dans la maison de deuil. Oui. Et le cœur des insensés dans la maison de joie. Donc tu vois, effectivement, c'est Dieu qui a établi ainsi. Et ça, il a donné la sagesse à Salomon pour dessiner cela. Que, en fait, les gens sont sur la terre, ils ne comprennent pas que lorsque quelqu'un meurt, c'est un enseignement pour l'autre qui n'est pas encore mort. Quand quelqu'un, tu entends un cri à côté de toi, oh, c'est quoi, tel est mort. Il dit, le cœur des sages est dans la maison de deuil. Parce que il dit que celui qui est vivant, celui qui est sage, prend la chose à cœur. La personne, quand tu vois quelqu'un est couché, tu es dans une maison de festin où les gens pleurent, la question t'est posée. Si c'est toi qui étais couché, est-ce que tu es prêt à rencontrer le Seigneur? Donc, derrière le deuil, il y a l'enseignement. Mais il dit que le cœur des insensés est dans la maison de festin. Donc, on dit, oh, livrons-nous la joie, on est venu sur la joue. Livrons-nous, jouons la vie. Mais la Bible déclare que la maison du deuil est un lieu d'enseignement pour les sages. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Maintenant, dans la Bible, on voit dans le livre de Matthieu, par exemple, on voit la veuve de Naïm. On voit quelqu'un qui avait, un enfant qui est décédé. Il passait là pour aller enterrer. Jésus a mis la main sur le cercueil. Il avait compassion. Il a dit que jeune homme, lève-toi. Plusieurs fois, on a vu le deuil dans la Bible. D'accord? Donc, le deuil n'est pas la fin en soi. Dans Hébreux chapitre 9, verset 27, la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le seul jour qu'un mort, ça a attristé les gens. Tout le monde était triste, même ses propres disciples étaient tristes. Nous voyons dans Lévitique, dans le Luc chapitre 24, deux de ses enfants qui rentraient à Emmaüs, ils marchaient tout tristes. Le Seigneur les a accompagnés en disant, mais qu'est-ce qu'il y a, vous, qu'est-ce que vous partez en marchant, vous êtes tout tristes. Il dit, ça ne va pas avec toi. Tu es le seul qui, dans cette vie, ne sait pas ce qui est arrivé. On dit quoi? Non, on dit que Jésus-Christ de Nazareth, celui, cet homme qui était bon, les gens l'ont tué. C'était un sujet de tristesse. Et Jésus leur avait dit que vous allez être triste et dans la maîtrise, et le monde va se réjouir. Mais quand ils vous voient après cela, votre joie sera immense et personne ne pourra enlever la joie. Donc la mort est toujours un sujet de tristesse pour les autres. Le cœur est attristé parce que tu ne verras plus la personne qui est décédée. Mais la mort n'est pas la fin ou bien la cessation de la vie. Non. La mort est un passage pour donner la vie à la vie. La mort est un passage pour donner la vie à la vie. Et sinon, on ne vit pas. Ça, c'est l'entraînement vraiment pour la vie. Et lorsqu'on se couche, qu'on est mort, c'est même pas la vraie mort. C'est l'entraînement pour la mort. Donc, la mort ouvre la porte à soit la vie véritable ou bien la mort véritable. La mort, donc, c'est un passage, c'est une porte. C'est pour ça que la Bible déclare dans ce livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, qu'on ne se lamente pas ceux qui sont comme ceux du dehors qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Dieu a ramené Jésus dans le monde, croyons aussi qu'il nous ramènera aussi avec lui. N'est-ce pas? Que ceux qui se lamentent parce qu'ils n'ont pas d'espérance à l'extérieur. Il dit, car dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50, il dit, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Donc il y a même certaines personnes sur la terre qui ne vont pas voir la mort. Il dit, mais tous nous serons changés. Car en un instant, en un clin d'œil, les morts en Christ, ceux qui sont morts en Christ, vraiment bien, comment il dit, les morts en Christ résisteront premièrement et nous tous qui sommes restés serons changés pour rencontrer le Seigneur dans la gloire. Alors, s'il dit, consolez-vous par ces paroles. Nous allons se consoler en disant que ce qu'on meurt, qu'on ne meurt pas, il n'y a pas de différence pour un chrétien. C'est-à-dire que si tu es vivant comme ça, pour ceux qui sont couchés, il n'y a pas de différence. Parce que si tu es couché, le Seigneur Jésus-Christ vient, tu vas aller. Et la Bible déclare que personne ne dépassera personne pour rencontrer le Seigneur. Les morts quittent d'abord la terre. Ceux qui sont vivants sont transmutés. On rencontre le Seigneur de la même façon. Donc, c'est bon que tu sois mort, que tu sois vivant. Il n'y a pas de différence. La différence, c'est est-ce que oui ou non tu es en Christ. Quand on brûle quelqu'un, si on veut, on prend quelqu'un, on va brûler, on voit ce monde Cameroun. On met dans la bouche, tu vas revenir de toutes les façons. Parce qu'il n'y a pas de possibilité de faire disparaître quelqu'un. Mais si on te brûle comme ça, parce qu'on dit qu'on incinère. On met comme les Indiens au Moyen-Orient, on met les gens sur les trucs, on met le feu, on brûle. D'autres, on fait passer dans les fours crémaillères. On brûle, ça se devient la cendre. Après, on verse dans l'eau, c'est les histoires, tu vas revenir. Parce qu'il n'y a pas de possibilité de faire disparaître un être humain. N'ayez pas peur, Matthieu chapitre 10, verset 28, de ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Donc le corps peut être mort sans que l'âme ne soit détruite. Donc tout ce que l'être humain peut faire ne peut pas toucher à l'âme, ne peut pas détruire l'âme. L'homme, même Satan n'a pas de puissance pour pouvoir détruire l'âme. Tu vois? Il dit, mais craignez plutôt celui qui... Jésus n'a pas dit, craignez plutôt ceux qui peuvent tuer. Il dit, craignez plutôt celui qui peut tuer et le corps et faire périr l'âme dans la gêne. Donc il n'y en a qu'une seule personne qui peut le faire. C'est le Seigneur Dieu puissant, c'est lui qu'il faut craindre. Donc quand un être humain tue le corps, c'est terminé pour le corps physique, mais l'âme et l'esprit, il ne peut absolument rien faire. Donc tous les cérémonies qu'on fait dans le deuil se diffèrent selon les cultures. Il y a des cultures, comme par exemple toujours dans le Moyen-Orient, les gens qui chaque année, ils peuvent mettre la vidéo, vous allez voir, chaque année, ils déterrent leurs parents. Ils habillent, ils mettent des rouges à lèvres, ils mettent des ongles. Si vous voulez, c'est terrible. Ils déterrent les morts, ils les amusent, ils viennent se filmer avec le grand-père. Ils font le festin, encore comme celui de chaque, il y a chaque année. Vous dites que les Bamileko à l'os du Cameroun, c'est grave, hein? Pour eux, c'est terrible. Pour les Bamileko, ils prennent seulement le crâne, même. Pour eux, ils prennent tout le corps, ils enlèvent le cercueil, ils enlèvent, ils pleurent, d'autres, ça soit bien. Si vous voulez, au fin, à la fin, pendant que cela ne prend la bouche, vous allez voir. Donc, il y a tellement de culture ici. Pour d'autres, lorsqu'on meurt, on en paie directement. Pour d'autres personnes, on va mettre des as, des cérémonies. Pour d'autres, c'est le moment, par exemple, pour montrer qu'on est riche. Pour d'autres, on va faire des choses, dépenser des centaines de millions pour pouvoir enterrer cette personne. Et ça, c'est la chair qui va bientôt entrer dans la poussière. D'autres vont acheter la cercueil de 500 000 francs pour mettre dans la terre. Ces 500 000 francs pourront aider quelqu'un qui vit dans la pauvreté. Ils ne vont pas mettre dans la mort. Pourtant, si quelqu'un meurt, c'est terminé. Le souffle retourne au Seigneur. La terre est poussière. Même si vous faites n'importe comment, quand vous allez mettre dans la poussière, mettez n'importe quel style de robe là-bas, va pourrir. L'être humain devait être conscient du fait que la mort les invite à comprendre qu'il faut se régler. À tout moment, tu peux être appelé à quitter la terre. C'est ce qu'on devait avoir comme leçon. Amen. Amen. Autre question? Comment devons-nous faire le moment? Tu entends comme je veux, tu veux faire n'importe comment, Dieu va les appeler. Je me demande s'il y a une façon. Il n'y a pas un modèle. Tu es né dans une culture, c'est pour ça que tu montes, tu descends. Même si tu dis que si elle meurt, ne me mettez pas à la mort, on te met à la mort, tu vas te lever pour gifler les gens. Il y a des gens qui ont dit que si elle meurt, ne me mettez pas à la mort, si elle meurt, enterre-moi directement. Comme chez les musulmans, il y a des gens qui disent voilà, en Arabie Saoudite, au Hajj, lorsqu'ils font pour la lapidation du serpent, cette étape, comme la dernière fois, ils ont plus de 700 personnes sont décédées. On informe seulement que ton père est décédé. C'est-à-dire, il y a deux jours maximum qui sont là, on doit enterrer. Donc les gens sont quelqu'un qui, par exemple, notre pays, il va à l'extérieur, il meurt, on enterre. Parce que d'après la tradition, on ne doit pas garder le corps plus de deux jours, et ainsi de suite. D'autres personnes, pour d'autres personnes, on peut enterrer parce qu'il y a telle personne dans la famille qui a voyagé. Il faut qu'on garde jusqu'à ce que la personne principale vienne qui gère. Tu ne peux pas faire autrement. Il n'y a pas de façon universelle pour enterrer un mort. C'est ce que je voulais savoir. Il n'y a pas de façon unie universelle pour enterrer un mort. Amen. Autre chose? Ça va, frère? Autre question? Oui, je mets ça, on suit ensemble. D'accord? Mais si on suit, je veux qu'on soit sérieux. Comment vous avez la peur comme ça? C'est pas quelque chose, n'ayez pas peur. Comment vous êtes trop sérieux comme ça? Je dis que je mets ça, on suit ensemble. Vous pouvez avoir, vous voyez ici. Moi, c'est le cul. Voilà. Vous voyez bien le fond. Tu vois pas, mais là le bas ici. Tout le monde a entendu parler des droits de l'homme, on sait ce que c'est. On a également entendu parler du droit à la santé. C'est quelque chose qui nous parle. Mais est-ce que vous avez entendu parler des droits sexuels? Eh bien, c'est un projet qui est en cours, que j'ai lu, dont je vous donnerai les liens, parce qu'il faut absolument que toutes les familles soient au courant de ça. C'est un projet qui s'apprête à mettre la loi au service du sexe. Donc, cette femme dit qu'il faut que toutes les familles soient au courant. Chacun de nous sommes dans une famille ici, non? Oui. Soyons au courant de ce qu'il arrive. Chaque fois, je vais mettre pause et puis on va rentrer dans la parole. D'accord? Donc, c'est le droit de sexe. C'est pas ce que ça veut dire. Allons-y. Oh, les droits sexuels. La source que j'ai trouvée est du Planning Familial International, l'IPPF. Mais ce sont des documents qui circulent avec le tampon de l'Organisation des Nations Unies. Voilà. Alors, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est le droit sexuel? Eh bien, c'est le droit de connaître et de jouir d'une sexualité indépendante de la reproduction et d'une reproduction indépendante de la sexualité. Et ça va être un droit. ça va relever du droit, donc de la loi. Voilà. À l'ONU, une certaine Najat Vallaud-Belkacem, bien connue des internautes de ce site, a dit « La santé et les droits sexuels et reproductifs doivent devenir une question prioritaire. » La priorité, c'est pas le chômage, c'est pas la guerre, c'est pas l'horreur et l'enfer qui s'avancent, non, c'est le fait de pouvoir ou non octroyer des droits sexuels. À qui, au fait ? Ah bien, à tout le monde. Toute personne aura le droit d'exercer sa liberté de pensée, d'opinion et d'expression en matière de sexualité, d'orientation sexuelle, d'identité de genre. Je croyais que ça n'existait pas. Enfin, je rappelle que Mme Najat Vallaud-Belkacem a prétendu il n'y a guère que l'identité de genre, que le problème de genre n'existait pas. Mais la théorie du genre n'existe pas. Et de droits sexuels sans intrusion arbitraire ni limitation. Les droits sexuels sans limitation. Ça veut dire que l'interdit religieux va devoir être combattu. L'ordre public et la moralité publique devront donc être combattus puisqu'il ne faut plus qu'il y ait de limitation ni d'intrusion arbitraire. Bon, en clair, ça suppose que, comme elle a dit, quand cette loi-là sera votée, tu es pasteur, tu n'as pas le droit de prêcher contre la fornication. Chacun est libre de faire le sexe comme il veut. D'accord ? Vous n'avez pas besoin de dire aux gens comment on doit prêcher. Pour le cas de l'homosexualité, c'est déjà établi dans certains pays. Ou prêcher en France contre l'homosexualité, on va t'arrêter, ainsi de suite. Mais suivons ça, parce qu'on va aller dans une autre direction. C'est ça qu'il veut qu'on voit maintenant. Il va être interdit d'interdire. Ça rappelle vaguement un certain programme de mai 68. À qui ce droit sexuel va-t-il être accordé ? Eh bien, à tout le monde. Y compris aux déviants de toutes sortes. Les droits sexuels sont les droits sexuels inaliénables et indivisibles. Les acheteurs d'enfants sur Internet seront bien évidemment, feront partie de ceux qui pourront faire valoir leurs droits sexuels. Et ce sont des droits qui vont être reconnus aux enfants. Eh oui, le droit d'exercer le contrôle sur ce qui touche à sa sexualité, de choisir, là je fais une citation, de choisir ses partenaires sexuels, de rechercher à atteindre son plein potentiel et plaisir sexuel, et ce dans un contexte non discriminatoire et en tenant pleinement compte des droits d'autrui et des capacités évolutives de l'enfant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va accorder des droits sexuels aux enfants en fonction de leur capacité évolutive. Eh bien écoutez, quel est l'âge à partir duquel on va pouvoir considérer que les enfants ont des droits sexuels ? La réponse est venue de la bouche de Ban Ki-moon soi-même, qui le 30 mars 2012 à l'ONU a fait savoir que ce sera 10 ans. À partir de 10 ans, les enfants pourront jouir de leurs droits sexuels. Alors évidemment, à partir de 10 ans, ça veut dire que les droits sexuels des enfants vont s'opposer aux droits des parents. Écoutez bien ce qu'affirme le planning familial rédacteur de cette horreur. Les législations qui restreignent l'accès des jeunes aux services de santé sexuelle et procréative, c'est devenu de la santé. Et même celles qui prévoient un consentement obligatoire des parents ou du conjoint doivent être abrogées ou rester inappliquées. Ces droits seront revendiqués contre, tenez-vous bien, toute intrusion arbitraire ni limitation fondée sur des croyances culturelles ou l'idéologie politique dominante ou sur des notions discriminatoires d'ordre public, de moralité publique, de santé publique ou de sécurité publique. Ça veut dire que la morale, l'ordre public, la santé publique, la sécurité publique et la religion sont discriminatoires. Donc on va s'en séparer. Je rappelle, pour mémoire, qu'il n'y a pas de relation sexuelle sans partenaire. Il faut être deux a priori. Donc faire valoir des droits sexuels, ça donne des droits sur autrui. Sinon, je ne vois pas comment on peut appeler ça un droit. Toutes les civilisations du monde ont édicté des normes qui s'opposent à ce droit. C'est l'ouverture d'un droit au viol, à l'exhibitionnisme et à la perversité. Il est dit que les États doivent prendre des mesures interdisant à toute tierce partie de compromettre les garanties inhérentes aux droits humains, comme les parents, les églises ou les associations. Eh bien, imaginez-vous qu'on a oublié personne. On a même pensé aux migrants. Et oui, dans le projet qui date de 2008, il est fait état des droits sexuels des migrants. Alors, on a vu à Cologne, le 31 décembre dernier, ce que c'était que les droits sexuels des migrants. Quand des hordes de populations exogènes se sont ruées sur les femmes allemandes. Pourquoi ? Ils avaient bien le droit, ils avaient besoin. Je veux dire quelque chose de plus grave encore, que tout le monde a su qui s'était passé à Cologne. Et encore, on l'a su parce que des gens se sont acharnés à faire valoir quelque chose qu'il était tout à fait question de cacher. Il y a eu, 2 semaines auparavant, juste avant Noël, à Vienne, dans une piscine, un migrant irakien, d'origine irakienne, que je n'incrimine pas l'Irak, bien entendu, ce qui va sans dire va mieux en le disant, un migrant irakien qui était en train de se baigner. C'est bien, un migrant arrivé, il a déjà son droit à la piscine. Il a été brusquement pris d'un soudain besoin sexuel irrépressible, mais vraiment irrépressible. Alors il est sorti de l'eau, il est allé dans les cabines, il a trouvé un petit garçon de 10 ans, il l'a violé, puis il est retourné se baigner. Il avait des besoins. Et c'est ce qu'il a expliqué à la police qui est venue le cueillir. Il dit, oui, j'ai été pris d'un brusque besoin, j'avais un besoin, j'avais une urgence. Il a dit, il avait une urgence sexuelle, mais il a fait valoir ses droits sexuels. Alors on l'a quand même mis en prison, où la mère du petit garçon a souhaité qu'on lui fasse subir à lui ce qu'on fait en général subir dans les prisons depuis que le monde est monde, à ce qu'on appelle les pointeurs. En attendant, il n'a fait que faire valoir ses droits, non ? Il avait des besoins, il avait donc un droit à les satisfaire. Il est également dit dans cette déclaration que toute personne a le droit d'avoir ou non des enfants biologiques ou adoptifs. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans ? On a le droit d'avoir des enfants adoptifs, donc on a des droits sur les enfants qu'on n'a pas faits, donc on a des droits sur les enfants des autres. Ça vous dit quelque chose qui se prépare ? Et écoutez bien, toute personne a droit à l'obtention de réparation pour violation de ses droits sexuels. Alors là, je veux dire, le papa qui m'a fichu une baigne parce qu'il trouvait que j'étais un peu trop maquillée pour aller danser, pour aller sortir, je vais pouvoir le faire mettre en prison. Il a interféré dans mes droits sexuels. Et il est dit, tenez-vous bien, que les enfants auront le droit de se représenter eux-mêmes en justice pour faire valoir leurs droits sexuels. Contre leurs parents, évidemment, contre qui voulez-vous que ce soit. Eh bien, dans tous ces droits, il y en a 30 pages, je vous donnerai le lien, il faut absolument que les Français prennent connaissance de cette horreur qui circule dans toutes les langues, moi je m'adresse aux Français, mais les autres pays sont concernés. Dans ces 30 pages d'horreur, il n'est nulle part question d'interdire ni l'inceste, ni la pédophilie, évidemment. Il ne s'agit pas d'interdire, il s'agit d'interdire. Alors, qui défend toutes ces horreurs ? Alors, je vous ai dit, le planning familial américain. Et à l'origine, il y a l'Institut Kinsey, de sinistre réputation. Alors, Kinsey, c'est ce pervers sexuel qui a inventé la révolution sexuelle dans les années 40 et 50, 1940-1950. C'est lui, c'est un pervers qui a inventé la révolution du même nom. Mais l'Institut Kinsey est mort depuis longtemps, c'est l'Institut Kinsey, donc l'Institut qui porte son nom, qui vient de se voir accorder l'année dernière le statut de conseiller au Conseil économique et social de l'ONU. Eh oui, un institut fondé par un grand pervers sexuel est maintenant conseiller à l'ECOSOC. Et la France de François Hollande, a signé pour l'obtention du statut de conseiller à l'Institut Kinsey. Alors, par qui sont soutenus les droits sexuels ? Par Amnesty International, le planning familial, on l'a compris, Amnesty International, tout le gouvernement français, avec en tête Madame Belkacem et Madame Laurence Rossignol, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, il les défend, Médecins du Monde, le gouvernement américain, tout le monde, toutes les institutions internationales défendent la notion de droit sexuel telle que rédigée en 2008 par le planning familial international. Ça s'appelle de la corruption de mineurs organisée à l'échelle de la planète. C'est l'innocence, la pudeur, l'intégrité des enfants qu'on vise à détruire. C'est l'avenir de l'humanité qui se joue. Parce que le corollaire de ces droits sexuels, c'est l'éducation sexuelle à l'école. Et là, il ne faut pas en rire. Parce que des expériences ont commencé à être pratiquées en France et que c'est l'horreur. Alors, ce qui se dessine et ce qui nous pend au nez, si je peux me permettre, je vais vous donner 3 exemples. En Allemagne, des enfants se sont évanouis à l'issue d'un cours d'éducation sexuelle. Un père qui s'appelle Eugen Martens, en août 2013, a refusé que sa fille retourne au cours d'éducation sexuelle. Il a été arrêté et mis en prison. Comme sa femme était enceinte, on lui a donné un délai pour aller faire sa peine de prison. C'est d'attendre que sa femme ait donné naissance à leur enfant. Autre information intéressante, au mois d'août de 2015, c'est-à-dire l'année dernière, à Marseille, a eu lieu, alors payé évidemment par les deniers publics, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe, une exposition d'images à caractère pédophile, scatophile et zoophile. Une horreur, une horreur. J'ai vu les images, j'ai vu les images. C'est une abomination, et c'est une abomination qui se fait en direction des enfants, parce que le graphisme de l'exposition est un graphisme en direction des enfants. Ça se voit, c'est une espèce de façon, c'est une horreur, c'est une abomination. Qu'est-ce qui s'est passé? Des gens qui ont été alertés ont fait une pétition pour exiger le retrait immédiat de cette exposition. Eh bien, il y a eu une contre-pétition qui a circulé pour demander que cette exposition puisse être reprogrammé au nom du respect à la liberté d'expression de l'artiste. Parce que les deux pervers sexuels qui ont pondu cette horreur sont considérés comme des artistes, et c'est même à ce titre qu'ils ont touché des subventions des pouvoirs publics. Alors, jusqu'à présent, à ma connaissance, l'exposition n'a pas été rétablie, ce sont les premiers pétitionnaires qui ont gagné, mais imaginez que les droits sexuels soient reconnus, et c'est au programme. Après, on ne pourra plus. Ça sera terminé. On pourra laisser les enfants, emmener les enfants des écoles, voir des abominations comme celles qui ont été montrées à Marseille l'année dernière. Je vais vous parler d'une troisième affaire qui vient de voir son dénouement il y a quelques mois. Elle commence le 9 mai 2014 dans le New Hampshire, aux États-Unis. L'école faisait des cours d'éducation sexuelle, comme c'est maintenant la vogue, partout dans le monde, sur pression des Nations Unies. Mais avant de... dans les jours qui précédaient les cours d'éducation sexuelle, jusqu'à récemment, les parents étaient prévenus de la date du cours et du contenu du cours. Et un jour, une jeune fille, dont le prénom m'échappe, qui s'appelle, dont le père s'appelle Bear, William Bear, la jeune fille de William Bear, qui a 14 ans, arrive à la maison complètement traumatisée et elle raconte ce qu'on lui a montré à l'école. Le père est furieux. Pourquoi il est furieux? Non seulement parce qu'on a montré des horreurs à ses enfants, mais parce que habituellement il était prévenu et que là il ne l'a pas été. N'écoutant que son devoir de père, il a pris ses pieds, il est allé à l'école et il est entré au conseil de classe. Où là, il a dit ce qu'il pensait. La directrice de l'école lui a demandé de respecter son autorité et de ne pas l'interrompre. À quoi le père a dit, et ma fille, l'avez-vous respectée? Qu'a fait la directrice? Eh bien, elle a appelé la police. La police est venue arrêter William Bear, l'a menotté, l'a mis en prison et a réussi à obtenir un jugement de 1 200 $ de réparation pour outrage, parce qu'il avait défendu sa fille. Il a réussi à obtenir gain de cause. Ce n'était pas le genre à se laisser faire. Il s'est battu. Eh bien, imaginez-vous que si l'horreur des droits sexuels passe, on ne pourra plus se battre. Et ce genre de père restera en prison pour violation des droits sexuels de ses enfants. Ce n'est pas uniquement le sexe qu'on enseigne maintenant à l'école, c'est toutes les perversions. Toutes les perversions. On banalise toutes les déviances et ça passe par l'école. Je vais vous donner une citation que je tiens de Nigel Farage, qui a beaucoup fait parler de lui récemment à propos du Brexit et de son soutien à Donald Trump. Il m'a dit au mois de septembre 2014, je vous donnerai le lien, avec la minute précise où il s'exprime. Il explique, il y a 10 ans, quand les États membres ont dû choisir leur commissaire, les Italiens ont porté leur choix sur un conservateur nommé Buttiglione. Il a répondu à plusieurs interviews. Il a dit qu'il pensait que, en général, il était préférable, tant que les finances le permettaient, que la mère puisse rester à la maison jusqu'à ce que l'enfant soit en âge d'aller à l'école. Ça a été considéré comme épouvantable. Il n'a pas été retenu. Il n'est pas devenu commissaire. C'est là, pour la première fois, que j'ai compris comment ces institutions sont brutalement laïques et viscéralement antifamilles. Suite de la citation de Nigel Farage, quand on parle de l'Union européenne, on en parle généralement en termes de politique, de souveraineté, d'un manque de démocratie, mais il y a quelque chose de plus profond qui se passe, et qui est une tentative délibérée de détruire nos sociétés. Merci Nigel Farage. Vous savez ce qui se prépare? C'est la fin programmée de l'enfance et de la famille. Et maintenant, on fait quoi? maintenant travaillons. Tout le monde, vous devez suivre ce qu'il y a là-bas. Travaillons maintenant. Qu'est-ce que vous en dites? Chef, qu'est-ce que tu en dis? Tu as suivi comment tu as fait tout à l'heure. Il veut qu'on aille dans la parole, à l'issue de ce qu'il dit. Ce sont les choses, nous sommes là, nous savons pas ce qui se passe. Nous mangeons, nous mangeons nos patates, nous savons pas ce qu'elle a laissé tramer. Les gens sont en train de préparer des documents de pluie, des choses, des lois. Et quand ça passe déjà, l'homosexualité avait commencé, n'est-ce pas, comme un jeu. Après, un pays a commencé à adopter. Un autre pays a adopté, c'est devenu universel. Donc, c'est quelque chose de banal maintenant en Europe. Vous pensez que pour voir un homme en train de s'embrasser, mais non. Une femme, les annonces, une femme, tu parles, il se tourne vers toi, vous allez en justice, on te ferme, on t'enferme sans état d'âme. Les magistrats sont homosexuels, les militaires homosexuels, même des présidents même homosexuels. Mais frère, la Bible, je peux vous entendre un peu. La Bible dit que tout ce qui est écrit là va concerner le Dieu. Oui. Bon, on voit le pays de Sodome comment. Oui. En effet, c'est ça qui les a intéressés le Dieu. Et Jésus a dit que ça devait venir. Voici, il y a une question, on ne s'inquiète pas. La question maintenant nous pose en tant que chrétien. Si toi tu étais en France, parce que là on parle de la loi sur l'orientation sexuelle, et ton fils rentre un de ces jours, il te dit que désormais j'ai décidé de coucher avec les chiens. Non, mon frère, si c'est moi en tant que chrétien, oui. Que je suis en France, oui. Non, il fait le coup, il faut payer, il rentre. Tu rentres ici et oui. Tu viens ici maintenant, la loi est adoptée ici. Non, là, alors, mes enfants ne vont plus à l'école. Ok, on dit que l'école est obligatoire. Non, allez, là, mes enfants ne vont plus à l'école. La constitution dit par exemple que c'est à partir de 15 ans, que, en 15 ans en descendant, l'école est obligatoire. Et si tu n'as pas d'enfant, c'est gratuit. Donc, tu n'as pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas allé à l'école. Vous en dérigez, je vais vous poser la question pour qu'on puisse aller vers. Puis maintenant, on va aller dans la parole pour voir ce que la parole peut nous dire. Donc, on dit que, parce que tu as dit qu'en tant que chrétien, c'est que tu vas fuir l'Europe pour rentrer. Oui. Ça, c'est la solution que tu as déposée. La loi, ça, on dit que c'est l'ONU. Quand l'ONU, les gens votent dans un pays, comme par exemple en Côte d'Ivoire, quand il y avait un problème, l'ONU est venue, non? Ils envoient les casques bleus. Le Cameroun était un signataire, était membre même de l'ONU. Donc, quand tu as un problème là, que ça vous dépasse, et ils s'ingèrent là-dedans. Même si, nonobstant, de ce fait qu'on peut utiliser. La souveraineté du pays, l'ingérence dans les situations de la diplomatie, dans la politique interne, mais il s'ingère quand même. Ok, toi, en tant que parent chrétien, comme tu disais, tu fuis le Cameroun, peut-être tu fuyais en quittant le Cameroun, c'était pas grave. Tu dis, là, je fuis avec mes enfants, ils rentrent. Tu rentres, on dit que même dans ton pays, il y a cette loi-là. Qu'est-ce que tu fais? Le Seigneur. Le Seigneur a dit dans la parole, il a dit par exemple que ne vous inquiétez pas, ceux qui tuent le coin, il y a beaucoup d'autres choses. Éduquer mes enfants selon la parole. Oui, c'est ce qu'on va voir là maintenant. Mais le vrai problème, c'est que tu es dit selon la parole, on dit que tu n'as pas le droit d'imposer à tes enfants une orientation sexuelle. C'est ce qu'on a suivi, non, frère? C'est ça. Il dit, la question, c'est qu'est-ce que tu fais? Et la même question est posée à chacun de nous. Comment tu bouges la tête encore comme ça? Tu as dit que Jésus a dit que ça devait arriver. La preuve, c'est que nous sommes dedans là. On banalise l'homosexualité à l'utilisation, vous voyez, n'importe quoi, l'impurité. Donc, ça veut dire qu'on ne pourra pas prêcher contre l'impurité. Comme on a de prêcher contre l'homosexualité maintenant, là, et on enferme les gens, ça se pose donc que tu n'as pas prêché que le petit ami, petite amitié n'est pas bien. Et par conséquent, les policiers sont dans les églises, comme on dit aujourd'hui, là. Si un pasteur prêche contre l'homosexualité, vous ne prêchez pas la sanctification. Donc, or, la Bible dit que c'est que Dieu veut, c'est votre sanctification. Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté. Donc, on doit prêcher ça. Qu'est-ce que vous en dites? Rechercher la sanctification à laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, nous ne prêchons pas sur la sanctification. De laisser les gens à l'impurité. Qu'est-ce que Dieu doit faire en tant que pasteur, toi? Tu ne peux pas ton sermon. Dieu te dit que parle des péchés sexuels aujourd'hui. Il y a les policiers qui se tournent autour de toi. Je peux entendre ce que tu as dit que vous, péché sexuel, c'est la mort. On va s'occuper par là. On va là? Et en subir, n'est-ce pas? Et en subir. Matthieu, chapitre 19, commençons. Que notre Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Lisons, on va commencer par Matthieu chapitre 19. Vous permettez donc qu'on parle, n'est-ce pas, frère? Donc, pour ceux de l'Afrique, ils ont encore l'opportunité de mettre en pratique la parole du Seigneur dans certains domaines. Pour ceux de l'Europe, ils ont vendu leurs droits d'aînesse. Ceux de l'Europe ont vendu leurs droits d'aînesse. Mais qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Là est la question. Ça se passe là. J'ai dit Matthieu chapitre 19, c'est ça? Ils sont où là, les enfants là? Venez ici, écoutez ce qu'on nous dit. Venez. Les enfants sont où? Oui, le garçon. Venez vous tenir ici. Où est ton grand frère? Il est parti. Venez ici. Non, viens, tiens-toi debout. Voilà, ici. Non, non, tiens-toi debout. Viens. Arrête la main de ton frère, c'est à cause de vous qu'on a donné des délices ici. Enfant, allons-y, 1, 2, 3, allons-y. Enfant, obéissant aux paroles célestes, car cela est juste. Encore à haute voix. Enfant, obéissant. À haute voix, si baissement la voix. Allons-y, 1, 2, 3. Enfant, obéissant aux paroles célestes, car cela est juste. Amen. Mais on peut appeler pour ses enfants, c'est pas vrai. On ne veut pas applaudir. Alors, non, c'est pas fini. Allons-y encore. 1, 2, 3. Enfant, obéissant aux parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Voilà. Donc les enfants savent qu'Éphésiens chapitre 6, verset 1 dit, enfant, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Donc c'est juste d'après le Seigneur que les enfants obéissent à leurs parents. Et ici, Satan fait des terres qui votent les lois pour mettre les parents avec les enfants en discorde. On appelle donc ça la rébellion. Donc on a les voter comme ça pour la loi sur la rébellion, pour former des enfants rebelles. C'est ce qui se trame en fond là-bas. Donc on ne voudra pas entendre parler du Seigneur Jésus. Maintenant, souvenez-vous de ceci. Toutes les lois qu'on vote sur la terre, la cible, ce sont les chrétiens. Il n'y a pas deux cibles. Parce que le monde peut faire n'importe quoi. Les libertés, les associations, on va créer des associations pour essayer de faire le pour et le contre, pour équilibrer le débat, pour équilibrer la pensée, pour qu'au milieu, la pensée de Satan puisse marcher. Mais la cible, ce sont les croyants. Parce qu'en réalité, quand vous lisez par exemple le livre de... Assieds-toi là. Quand vous lisez le livre de Daniel au chapitre 6, avant qu'on les jette Daniel dans le feu, la fosse au lion, vous allez remarquer qu'ils ont tenté par de différentes façons pour faire tomber Daniel dans les pièges, dans la corruption. Ils ont vu que Daniel respecte, ne corrompt pas, il fait bien son travail. Ils ont eux-mêmes dit, nous ne pourrons pas faire quoi que ce soit contre lui. Trouver quoi que ce soit, à moins que ce soit dans la loi de son Dieu. C'est dans la loi de son Dieu qu'on a trouvé la faille. Qu'en fait, il est censé prier son Dieu, tenir ferme pour son Dieu. Et dans ce cas, il faut qu'on vote une loi. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. La Bible déclare dans ces ecclésiastes que s'il y a quelque chose qu'on dit que c'est nouveau, cette chose a déjà existé. Et Dieu ramène toutes choses. D'accord? Donc, on a dit, ce sont les gens qui ont corrompu le roi. Ils viennent voir le roi et disent que il faut qu'on dise de façon expresse que toute personne qui va adresser une prière, que ce soit seulement à toi, au roi Darius, vous voyez cela, ils ont fait une interdiction à quiconque va prier en l'espace de 30 jours. Si tu veux prier, il faut que tu pries seulement Darius. Regardez, imagine ce que l'être humain peut faire. Or, remarquez bien, je vais vous dire quelque chose, on a fait voter cela sur tout l'ensemble du territoire où régnait Darius. Donc même les païens ne devaient pas prier le Dieu, de prier Darius. Pour les païens, ça ne les dérange pas. Ils disent, ok, puisque 30 jours vont passer. Non. Puisque 30 jours vont passer, je prie Darius. Après 30 jours, je continue à prier mon Dieu. Mais la cible, ce n'est pas l'incroyant. La cible, c'était le croyant qui servait authentiquement. Le Dieu authentique, c'était Daniel la cible. Je veux vous première chose pour vous comprendre que le Satan peut faire voter une loi. Satan peut faire voter toute une loi sur la terre à cause d'une personne. C'est ce qu'on voit dans la Bible. Une loi sur tout un royaume parce qu'on cible une personne pour voir si lui ou non il va tenir. Mais il a toujours tenu face à cette loi-là. La Bible déclare que quand il a lu le décret, il est entré dans sa chambre, il priait trois fois par jour avec la fenêtre ouverte en direction de Jérusalem comme il le faisait d'habitude. Maintenant, regardez, vous regardez la chose. La loi a été votée, c'était publié, Daniel n'a pas respecté cette loi. Je crois que ça devait même être la conclusion. Il n'a pas respecté cette loi, mais je veux que vous regardiez encore une autre chose. Malgré que la loi avait été publiée, avec les sanctions qui afférent, Daniel qui était serviteur de Dieu et qui servait dans ce royaume n'a pas respecté cette loi-là. Et la sanction concernant cette loi-là, pour toute personne qui désobéit à cette loi-là, on l'a fait subir. On l'a fait subir, Dieu l'a délivré. Ce n'est pas pour dire que pour toute personne qui va désobéir, Dieu va les délivrer automatiquement. Hein. D'autres personnes vont seulement glorifier le Seigneur par leur mort, par leur condamnation. Dieu n'interviendra pas, sachant qu'il apporte un poids éternel. Donc, le Père qui vont décider que jamais je suis chrétien, mon enfant ne fera pas cela, ils vont prendre position et Dieu va les laisser qu'on leur fasse n'importe quoi. Subir pour que d'autres personnes puissent être fortifiées. Pour que d'autres chrétiens puissent être fortifiés. Mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est que toute loi humaine qui commence à être anarchique ou bien antichrist, ce n'est pas pour les non-croyants, non, c'est pour les croyants, c'est pour les chrétiens, à cause des chrétiens que ces choses sont en train de faire, qu'on a dévoté cela. C'est le signe que les ténèbres vont bientôt couvrir la terre totalement. C'est le signe que les ténèbres vont couvrir la terre totalement. Avançons dans la lecture, lisons le livre de Matthieu. Après, on va aller dans l'Ancien Testament. On va parcourir des versets, là-bas, il va vous dire, on va lire et puis... Il faut que chacun prenne son cœur droit devant le Seigneur. Parce que quand on a l'opportunité de servir le Seigneur, ici on a envie de blaguer. On a l'opportunité de la liberté de servir le Seigneur. On sait le Seigneur, chacun se lève, des quatre matins, vous voyez comment les gens bloquent la route pour faire la fête. D'autres font du bruit, on met le baffle là. Vous entendez les divines dominations, on met le baffle, on fait des choses, n'importe comment. Alors que dans les autres pays, c'est pas possible. D'autres marchent, vous voyez dans vos maisons, vous entendez con, quelqu'un vient pour, vous savez quoi, je suis témoin de Jéhovah, d'autres encore, je suis la légionnaire des marées, on ne peut pas faire ça là-bas, vous faites ça là-bas, on va vous arrêter. On va appeler la police, on fait con, la police dit, ok, attendez. Alors, oui, il y a un intrus là, on t'arrête, trouble de jouissance. Alors qu'aujourd'hui, tu peux aller prêcher. Donc, utilisons ces moments, c'est cette opportunité que le Seigneur nous a donnée pour prêcher véritablement. Et prêcher véritablement. Mes chers frères, donc la cible c'est l'enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant est le fait de l'âme. C'est les pépiniers futuristes de la génération futuriste. Satan prépare comme ça les guerriers pour entrer dans sa gloire, dans le futur. Parce qu'il sait que ceux des générations qui sont là vont passer. Or, ce qu'on a de faire là comme loi, ce n'est pas passé aujourd'hui. Ce sont les gens qui ont préparé ça depuis des années. Les gens viennent seulement, perpétuent seulement cette pensée-là. Donc ça dit que même si on prend les grands qui sont là maintenant, qui sont les faits, on les tue, ceux qui vont revenir à l'ONU et autres là-bas vont continuer à perpétuer seulement. C'est un projet satanique. Donc Satan va toujours mettre ces gens pour accomplir ses desseins. Donc ils sont en train de préparer comme ça le relais pour une manifestation future de l'armée de l'Antichrist. Matthieu chapitre 19. Lève ta voix, vois ta main là-bas. On y va. Verset 13, le Seigneur Jésus va commencer à parler sur, on va lui poser la question sur les divorces et autres, là-bas il va finir au verset 12, tomber au verset 13, lisons. Alors, nous sommes dans Matthieu chapitre 19, alors on lui, il parle à suivre, vous donner des versets bibliques que vous allez lire, donc voilà, dans ma Bible qui tombe là, permettez-moi d'ouvrir, Matthieu chapitre 19, alors on lui amena des enfants, on y va, alors on lui amena des petits enfants, c'est ça, des petits enfants afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Vous voyez cet esprit, n'est-ce pas? L'esprit est là. Donc on va amener les enfants vers Jésus. Il faut que le but, c'est que les enfants doivent aller vers Jésus. On dit, pour que, le but, c'est que Jésus-Christ leur impose les mains pour et prier pour eux. On dit, les disciples les repoussèrent. Regardez ce que la réaction de Jésus. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Donc, aucune personne, aucune autorité ne doit empêcher les enfants à venir vers Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez ce que le Seigneur dit par rapport à ce qu'on a subi là dans cette vidéo. Donc aucune autorité, aucune personne n'a autorité de laisser, de bloquer les enfants. On ne doit pas empêcher les enfants à venir vers Jésus. C'est ce que Jésus a dit. On a vu que ses propres disciples ont voulu empêcher qu'on amène les enfants vers Jésus. Jésus a dit que laissez, que n'empêchez pas qu'ils viennent à moi. C'est le verset que les catholiques utilisent pour baptiser les enfants. La Bible n'a pas dit quoi que ce soit par rapport au baptême. Ça ne parle pas de baptême, quoi que ce soit. On dit on doit laisser les enfants venir. On n'a pas dit qu'on doit amener les enfants, on a dit laisser venir. Donc on doit laisser l'enfant aller dans la direction du Seigneur. Il dit car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Donc le Seigneur Jésus donne le modèle du royaume, le modèle de simplicité, de l'obéissance et de l'innocence par rapport aux enfants. Ici, l'esprit de cet antichrist de cette époque, s'il veut nous enseigner plutôt la rébellion. Pour que vous compreniez effectivement que comme le Seigneur à chaque fois va vouloir prendre ses exemples, c'est comme ça que l'antichrist va agir. Comme le Seigneur prend les enfants pour modèle, Satan veut faire le modèle des enfants, le modèle du royaume des rebelles. Il va aussi faire ça avec les enfants. Et donc maintenant, si tous les enfants deviennent rebelles, et que vous venez de dire, c'est déjà des versets, vous dites que le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Donc, généralement, le royaume de ces couleurs, vous pensez que c'est ça, frère? C'est l'antichrist, c'est le royaume antichrist qui veut former les enfants rêveurs pour manifester l'entité qui règne dans ce royaume-là. On peut avancer. Rentrons dans le livre de Deutéronome. Notez Deutéronome. On va lire. Notez Deutéronome, chapitre 4. Commencez à noter maintenant. Je vais donner le verset, vous allez noter, on va les parcourir maintenant. On va aller plus, on va prier pour les parents qui sont en Europe, en Occident, et même pour nous ici, afin que Dieu nous donne des tenues à sa parole. Regardez comment les parents seront dans l'embarras. combien les parents chrétiens vont vivre dans la compromission. Deutéronome chapitre 4, verset 1 à 9. Je vous ai noté, on y va. Deutéronome chapitre 6 maintenant, on va lire, on va prendre quelques versets là-bas. Donc vous allez voir, on va voir la texte. On va me prendre le mouchoir, dire à maman de prendre le mouchoir. Deutéronome chapitre 6, vous avez noté. Notez d'abord et puis on va avancer, on va lire. Exode chapitre 20, le verset 12. Exode chapitre 20, verset 12. Éphésiens chapitre 6. Donc si vous n'avez pas copié, vous allez copier ça par la suite. Parce qu'il faut qu'on aille, il faut qu'on finisse là. 1 Jean chapitre 5, verset 1 à 3. On y va. 1 Jean chapitre 5, verset 1 à 3. Vous y êtes. Les psaumes 127 et psaumes 128. S'il vous plaît, j'aimerais que vous, même si on ne lit pas ça tout, que vous passez le temps pour lire, pour vous voir effectivement pourquoi Satan se lève ainsi. Enfin, on va parcourir dans les versets, vous allez voir. Satan ne fait jamais rien sans regarder Dieu faire. Et quand il voit le Dieu faire, il voit effectivement comment Dieu agit. C'est comme ça qu'il veut faire. On avance. 1 Timothée chapitre 5, versets 3 et 4. 1 Timothée chapitre 5, versets 3 et 4. 1 Timothée chapitre 3 maintenant, versets 4 et 5. 1 Timothée chapitre 3, versets 4 et 5. Il dit d'abord 1 Timothée chapitre 5. C'est ça non? Versets 3 et 4. Maintenant 1 Timothée chapitre 3, versets 4 et 5. Merci. 2 Timothée chapitre 3. On y va. 2 Timothée chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 18 à 22. Puis je vais vous donner une série maintenant de 5 ou 6 versets tout à l'heure dans le livre des Proverbes. Quand on va commencer. Colossiens chapitre 3, verset 18 à 22. Donc laissez l'espace d'abord. On va y revenir. On va revenir. Mais rentrons dans l'origine. Voyons bien. Première chose. Souvenez-vous, dans un enseignement, si j'avais dit que Dieu avait choisi Israël comme un modèle pour pouvoir montrer sa loi. N'est-ce pas? Dieu a choisi le peuple d'Israël pour montrer sa loi. Parce que les nations ne servaient pas Dieu. Dieu s'est choisi un peuple par lequel il va vouloir montrer ses desseins, présenter quelles sont ses pensées au travers d'Israël pour qu'on puisse le voir. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, la Bible déclare que ceux-là, ils sont traversés sur une nuit, ils ont été baptisés en Moïse. Ils ont bu des breuvages spirituels qui étaient Christ, leur rocher qui les suivait, qui était Christ. Il dit que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple et pour nous enseigner à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc, ils étaient, tout ce qui passait dans leur vie, c'était un enseignement, un moyen de Dieu pour nous enseigner à nous qui sommes venus dans le futur. Pas vrai? Mais alors, dans ce livre de Deutéronome, Deutéronome, c'est le cinquième livre, Deutéronome. Eh bien, on pourrait commencer d'abord par Exode. Prenons Exode rapidement, lisons Exode chapitre 20, je crois, le verset 6, verset 12. C'est ces commandements-là que l'apôtre Paul réitère dans Éphésiens chapitre 6, que les enfants ont récité tout à l'heure. Exode, deuxième livre de la Bible. Chapitre 20. Vous y êtes. Exode chapitre 20. C'est le deuxième livre après Genèse. Donc, on y va. Honore ton père. Nous sommes au verset 12. Je vous ai donné ce conseil verset. Vous, c'est, nous allons lire. Honore ton père et ta mère. Afin que. Vous voyez. C'est le commandement qui a en attache des bénédictions. Non, mais c'est quand même terrible ce que Satan peut faire. Regardez. Honore ton père et ta mère. Afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Donc, Dieu a érigé la relation et la soumission des enfants, l'obéissance des enfants aux parents au niveau du commandement. Donc, dans le royaume de Dieu, et le Seigneur avait dit, Jésus avait dit que tant que le ciel a été subsisté, il n'y aura pas, il ne sera pas ôté un seul iota de ces commandements-là. Pas vrai? Oui. Ok, maintenant, Dieu dit, et il érige ça dans les 10 commandements, que l'enfant est censé honorer son père et sa mère. Et on dit afin que ses jours se prolongent. Donc, la longévité de l'enfant dépend, d'après la loi de Dieu, de l'obéissance, oui ou non, à ses parents. Vous pouvez comprendre ce que ça veut dire. Imaginez donc comment les enfants vont être rebelles avec ces lois-là. Déjà qu'on empêche même d'abord aux parents de corriger les enfants. On va voir ce cas-là tout à l'heure. Ça veut dire que si un père n'a pas autorité sur son propre enfant, le commandement si n'a pas de sens. Et par conséquent, on dit exactement à Dieu qu'on ne veut pas que les enfants honorent leur père et leur mère. C'est ce que le commandement veut dire. C'est-à-dire que le parent n'a pas le droit sur ses enfants. Et vous ne verrez pas un seul commandement, ni un seul verset qui dit quoi que ce soit, que c'est l'État qui doit censé obéir, enseigner les parents, ni les enfants. On dit plutôt, encore et un autre commandement par rapport aux jeunes gens, d'être soumis à l'autorité. Voici les jeunes gens qui sont déjà soumis à l'autorité. Dieu arrangera à ce que les jeunes gens ne soient pas contre les autorités, mais Satan s'attend à ce que depuis la maison qu'il y ait une rébellion et que les gens soient anarchiques partout. Ouais, que c'est quelqu'un qui ne respecte pas la loi, n'est-ce pas? Deutéronome, avançons rapidement. Deutéronome chapitre 4, je vous ai dit ça, je crois bien. J'ai pris d'abord Exode chapitre 20 parce que c'est là où Dieu. Souvenez-vous d'une chose. L'une des choses que vous devez savoir, c'est ici. C'est que c'est Dieu lui-même qui a pris son doigt pour écrire ce commandement. Je vais vous mesurer encore un peu cela. C'est Dieu. Les commandements qu'on veut les dire dans Exode chapitre 12, chapitre 20, verset 12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés sur dans le pays dans lequel tu vas prendre possession. Vous voyez, c'est Dieu qui a pris la pierre. Prendre le temps pour écrire ce commandement de ses propres doigts. Et sur la terre, les êtres humains commencent, inspirés par les esprits démoniaques, les êtres humains commencent à dire qu'il ne faut pas qu'on honore ses parents. Vous remarquez donc que Satan n'a pas besoin de dire ne suivez pas Dieu. Il donne seulement sa loi. Vous êtes dans son territoire. Il vous pousse seulement à être désobéissant à la loi de votre Dieu. Est-ce que si on est dans ce cas-là, comme maintenant, parce que nous sommes en train de vivre, ça c'est pas encore quelque chose qui n'est pas encore manifeste. Nous sommes dans un pays européen. Cette loi-ci est là, votre enfant est désobéissant. Est-ce que vous allez corriger comme Dieu veut et subir ce que les hommes disent? Vous avez suivi le cas de ce parent qui est seulement venu pour dire qu'est-ce que vous enseignez mes enfants comme ça? On a condamné pour 1200 euros. D'autres qu'on a enfermés. Sauf ton propre enfant. Où est-ce qu'on a laissé diriger? Continuons ici. Donc je voulais seulement vous faire comprendre que le commandement qu'on a lu dans Exode chapitre 20, verset 12, c'est Dieu qui l'a écrit de ses propres mains. Il faut que vous mesurez encore bien l'ampleur. J'insiste là-dessus. C'est Dieu qui l'a écrit de ses propres mains. Donc ça veut dire que c'est inchangeable. Et la Bible déclare dans ce livre d'Ecclésiaste également que ce qui est courbé, ce que Dieu a fait est bon. Ce qui est courbé n'a pas besoin d'être redressé. Personne ne peut redresser. On ne doit rien y ajouter. Et c'est exactement ce qu'il va dire ici à Moïse lorsque Moïse va commencer à rappeler ce qu'il avait dit dans Exode chapitre 20. Il va rappeler du verset 1 jusqu'au verset 9. On va s'arrêter là-bas. Maintenant, Israël. Nous sommes au chapitre 4 de Deutéronome. Vous y êtes. Vous y êtes. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entrez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Verset 2. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vous pouvez souligner ça? Tel que. On doit observer tel que il a prescrit. Vous avez vu ça? Vous y êtes. On avance. Maintenant, vous avez souligné. Verset 3. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Péor. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse. Donc, la sagesse, Dieu a attaché la sagesse derrière le commandement. Écoutez bien. Et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Vous voyez pourquoi Dieu a donné le commandement, n'est-ce pas? Pour nous rendre intelligents et sages. Mais qu'est-ce que Satan veut? Satan veut nous rendre insensés et abrutis. Verset 7. Quelle est, en effet, la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous, toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui. Donc il n'y en a pas, personne, aucune bénédiction sur la terre. Mais t'as suivi. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton nom. Souligné sur ton nom. Voilà là où le problème se retrouve. Donc le commandement vise à protéger l'âme de ceux qui sont en train d'obéir à cela. Et Moïse a donné cela. Il y a cela avant de quitter la scène. Il commence à dire, prends garde. Il dit, prends garde. Il dit seulement, prends garde à toi et veille attentivement. Veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Puis deux points. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Vous avez vu ça? Donc dans la pensée de Dieu, on devait perpétuer ce commandement pour que ce peuple-là soit totalement à lui, qu'on vive d'après la loi de Dieu. Mais regardez ce que Satan a de faire. Il veut enlever toutes les lois de Dieu. C'est petit à petit, il fait comme ça de façon sournoise. Il prépare les gens. Bientôt, vous allez entendre ça dans la presse. Vous allez voir, à un moment donné, le débat était au Cameroun sur l'homosexualité et autres là-bas. Tout le monde, c'est pas vrai. On a publié le nom et autres là-bas. Maintenant, quand on dit à quelqu'un qu'il y a homosexualité, on a tué un homosexuel, on a fait telle chose là-bas, ça ne dit rien à personne. Parce qu'on a préparé les gens psychologiquement à admettre la chose. Bientôt, la loi va passer. Qu'on l'admette ou non, ça va passer. Comment dire, on va dire, ok, c'est leur vie, c'est leur choix. À l'école maintenant, en Europe, on parle du transgenre, de la théorie des genres. Ça veut dire que le parent n'a pas le droit de dire à un enfant, comme j'ai mon petit garçon et ma petite fille, tu ne dois pas lui dire qu'il est garçon. C'est à lui de grandir, choisir s'il doit être garçon ou fille. De la même façon, ce n'est pas à moi de dire à ma fille qui elle est, quelle est fille. Elle peut grandir, devenir lesbienne, elle devient maintenant les hommes, les transvestis. Vous voyez ce qu'on en est là? Si je lui enseigne que tu n'es pas un garçon, tu es une fille, Dieu t'a créé, on me porte plainte. C'est la théorie qui est sortie là-bas, bien ça bouleversé, mais on ne le fait pas ça. Et on enseigne ça à l'école. Aux enfants de la maternelle, on les enseigne à comment masturber, comment porter le préservatif. Voilà ce qu'on enseigne aux enfants. Que Dieu vienne en aide. Maintenant, allons-y dans le livre des... Au chapitre 6 même, de ce livre. Alors la question, pardon qu'on a des princes, c'est la question que j'en ai posée et que je vous pose à vous tous. C'est pour vous qui êtes dans le monde entier, vous qui êtes dans le pays où il y a ces lois-là. Que faites-vous? Est-ce que vous voulez obéir aux paroles de Dieu? Parce que la parole de Dieu est claire. On doit enseigner ses paroles à lui, à nos enfants, aux enfants de ses enfants. On a commencé d'abord dans l'école par la théorie des Big Bang, la théorie évolutionniste. On dit que non, l'homme était d'abord batracien. On a enseigné à nous tous à l'école primaire, pas vrai? Malgré que la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait de grandes ténèbres sur la terre. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. On dit non, c'est la théorie de Darwin qui est bien. Il y a eu avant l'instant zéro, deux particules qui marchaient, qui filaient dans l'univers, dans le sens opposé. Tu lui poses la question, qu'est-ce que les particules qui faisaient là-bas? Qu'est-ce qui a créé les particules? Il ne peut pas te dire. Ça allait où? Il dit, ça allait dans le sens contraire, ça a fait boum. Ce qu'on appelle le Big Bang. Et puis l'univers s'est créé. Ça a commencé à l'univers. À cet instant-là, c'est l'instant zéro que part tout départ de la vie. Vous voyez que ça n'a pas de sens avec l'être humain, pas vrai? Quand quelque chose roule, quand une voiture roule, un vélo, le vélo seulement qui roule 30 à l'heure, ça cogne avec un autre vélo qui va à 30 à l'heure. Quand vous cognez là, il y a l'ordre, il y a le désordre. Quelque chose qui est déroulé dans l'univers avec la vitesse plus grande que la vitesse de la lumière, ça cogne, boum. Et puis il y a l'ordre dans l'univers, comme on voit. La Terre tourne autour du Soleil en s'entretournant avec la révolution. À la seconde priorité, la scène qu'avec, à 800 ans, on peut prévoir qu'il y aura quoi, un passage du Soleil, ce qu'on appelle l'éclipse de la Lune, l'éclipse du Soleil, à tel endroit, juste quand ça arrive, on pointe cela. Donc, il y a un désordre, il y a une collision, boum, il y a tout cet ordre dans l'univers. Où est-ce que Satan a fait? On a commencé à enseigner ça à l'école. Nous tous faisons. Après, on met qu'il y a eu évolution, il y a eu donné, point, deux points. Toi, tu regardes comme ça que, hé, hey, si il met là-bas création, c'est que mes deux points sont partis. Après, tu dis, oh, donner à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Moi, je sais que c'est la création, mais je mets ici pour avoir mes deux points. Où est-ce que tu te trouves là, mes chers? Où est-ce que tu te trouves? Où est-ce qu'on a enseigné à nos enfants? On dit que l'homme était d'abord batracien. On a quitté. Comme tu vois, l'homme était un proche parent du singe. Donc l'homme était d'abord un singe. Et toi-même, tu crois. Quand vos enfants là enseignent encore avec vous, allez demander à votre maîtresse ou à votre parent. Dis que donc c'était tes grands-parents sont les singes, pas les miens. Dites à vos enfants de dire aux parents, aux maîtresses qu'elle a enseigné là-bas, dis-leur que maîtresse, tes grands-pères étaient des singes, pas mes grands-pères moi. Parce que mon grand-père, c'est Adam. Et Adam n'était pas engendré du singe, il n'est pas sorti du singe, c'est lui le premier. On n'a pas dit qu'il y avait un singe quelque part, puis ça a monté, mais il faisait pour donner Adam. On a dit que Dieu l'Éternel fit pousser les arbres du jardin, ainsi de suite. Après, il a fait créer de la terre, il a créé. Il souffla dans ses narines. C'est pas ce qu'il écrit, frère. Le singe et le poisson. Donc, il y a le singe et le poisson. On dit non. Il faut comprendre que la mutation a lieu à une grande échelle. Parce que c'est des milliards et des milliards d'années que ça fait la mutation. Donc, depuis des milliards et des milliards maintenant, là, peut-être dire que non, dans notre échelle, on est à 6000, en 6000, on ne peut pas avoir métamorphose. Donc, à ce rythme-là, l'homme va devenir peut-être un jour un arbre. Continuons, c'est bon. Éphésiens, Deutéronome chapitre 6. Verset 1. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, hein, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Donc Satan a décidé qu'on ne vit pas selon la loi de Dieu, pour que ces côtes chaque fois. Remarquez bien, dans la progression du temps, vous allez voir effectivement que la durée de vie a été manifestement diminuée sur la terre. Puis il dit, tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Verset 4, chemin Israël. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Il m'arrête là-bas un instant. Ce verset a été posé plusieurs fois à Jésus dans le livre de Matthieu, Marc et Luc. On lui a dit, quel est le plus grand commandement? Il dit, qu'est-ce qu'il dit dans la loi? Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Puis il a dit que voici un autre commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que si tu aimes ton prochain, tu vas aller le violer? Non. Tu aimes ton prochain, est-ce que tu vas aller le violer? Non. Tu aimes ton prochain, tu vas violer son enfant? Non. C'est ce que ces lois humaines sont en train de vouloir voter. Pour que le deuxième commandement même soit bafoué. Et par conséquent, le premier commandement. Parce que vous pouvez respecter le deuxième commandement sans respecter le premier. Vous respectez le premier sans respecter le deuxième. Parce que les deux sont intimement liés. Alors si tu aimes le Seigneur tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, de toute ton âme, tu vas obéir à ce commandement. Parce que aimer Dieu, c'est marcher d'après ce commandement. Et dans 1 Jean chapitre 5, comme je vous ai donné, la Bible déclare au verset 1 que nous savons que les commandements de Dieu sont bien, n'est-ce pas? Que celui qui aime Dieu garde ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Puis on dit au verset 2, qui est-ce qui a triomphé du monde? Que tous ceux qui aiment Dieu, qui gardent ses commandements, triomphent du monde. Donc on vaincu le monde. Donc vous pouvez vivre avec Dieu, selon Dieu, dans ce monde-ci, en marchant d'après ses paroles. Alors je fais un stop ici pour te poser la question. Qui est-ce qu'on veut suivre? Dieu ou les hommes? Dieu. Maintenant, si vous travaillez quelque part, vous êtes sur la terre, vous avez les avantages des services de ces gens-là qui votent cette loi-là. On dit, si vous ne mettez pas vos enfants à l'école et que vous ne laissez pas subir ces éducations-là, on vous met en prison, on coupe tout vif. Est-ce que vous êtes préparé à suivre? La Bible nous dit clairement dans 1 Pierre chapitre 4 que puisque Christ a souffert, armez-vous de la même pensée. Est-ce que vous vous armez de la pensée de souffrir pour Christ? Est-ce que vous êtes armé à souffrir pour Christ? Est-ce que vous êtes prêt à ce que si l'on vous met en prison et que la garde de vos enfants vous soit enlevée, mais que vous tapez cet enfant-là bien pour le corriger, comme Dieu a dit? On va voir tout cela maintenant. Et vous allez voir, là on va sortir avec le dénouement. Allons-y au verset, continuons rapidement le verset là. Et maintenant, regardez le verset 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Souligné, dans ton cœur. Donc Dieu veut que le commandement soit où? Dans le cœur. Ok, maintenant. Mais c'est terrible. Puis il dit maintenant, c'est ici encore le grand dénouement. Il dit, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Vous avez vu ce que les parents doivent faire, n'est-ce pas? Dieu a dit que les parents doivent enseigner. Il n'a pas dit que vous allez envoyer les enfants à l'école pour qu'on les forme. Il a dit que c'est à toi de le faire. Et comme Dieu a dit comme ça, là, quand le jour va venir, Dieu va dire, j'avais dit d'enseigner le commandement aux enfants. Qu'as-tu fait? Non, j'étais tellement occupé au travail où j'ai donné, je l'ai gardé là-bas à la maternelle, ok. Dieu va comprendre, avançons ici de toute façon. Verset 8, Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur le poteau de ta maison et sur les portes. Vous remarquez que Dieu est aussi en train de faire que montrer comment la maison, le foyer doit être gardé par la parole de Dieu. Gardé par la parole. Dieu veut que ce soit la parole qui garde le foyer. Il entre dans les détails en disant, voici votre communion de soir. Le matin, quand vous allez voyager, voici le sujet de votre discussion avec les enfants. Dieu a dit cela. Mais aujourd'hui, l'humain ne veut pas entendre parler de ce Dieu-là. Verset suivant. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, à Isaac, à Jacob, de te donner. Tu posséderas des grandes et de bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens, et ce que tu n'as point rempli, des citernes creusées, que tu n'as point creusées, des vignes et des ouvriers, des oliviers que tu n'as point plantés. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Aujourd'hui, quand il y a la bénédiction, les gens ont des pétrole, ils découvrent le pétrole, depuis le pétrole, de l'or quelque part, ils développent leur ville, leur développement les pousse plutôt à la folie. Ils ont les richesses, ça les pousse plutôt à la folie. Et ils veulent que tout le monde marche d'après cette folie-là. Ça va se m'aller jusqu'en enfer. Verset 13, tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammera contre toi et il t'exterminera de dessus la terre. Vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez tenté à Massa. On y va? Vous y êtes, frère? Maintenant, verset 20, allons-y rapidement, verset 20. Lorsque ton fils te demandera un jour, c'est merveilleux tout simplement. Lorsque ton fils te demandera un jour, que signifie ces préceptes, ces lois et ces ordonnances, vous dites, que l'Éternel notre Dieu vous a prescrit. Donc, Dieu s'attend à ce que, à un moment donné, les gens vont se poser la question, les enfants vont se poser la question, mais qu'est-ce que tu racontes depuis papa? Quand les enfants, parce que les enfants arrivent à un âge où ils commencent à interroger, à questionner. Dieu dit, voici comment vous allez conduire. Il n'a pas dit que vous allez les envoyer à l'école le dimanche. C'est aux parents. Donc, vous n'allez pas fuir. Il dit, tu diras à ton fils, Dieu donne la réponse que si ton fils te pose la question par rapport à la parole, voici ce qu'on va dire. N'allez pas inventer. Tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. Dans notre siècle, sous la nouvelle alliance, l'enfant va te demander, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tu suis ça? Oui. Nous étions dans le monde. Jésus est venu, il est mort pour nos péchés. C'est pour ça qu'on croit en lui, nous voulons vivre dans par lui. On dit ça aux enfants pour que les enfants comprennent l'œuvre sacrificielle du Seigneur Jésus-Christ à la croix. N'est-ce pas, mes chers frères? Amen. Puis il dit, l'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges grands et désastreux contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. Verset 24, l'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu afin que nous fissions toujours heureux et qu'il nous conserva la vie comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement, soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu comme il nous l'a ordonné. Donc voilà ce que Dieu dit qu'on dit aux enfants. Si les enfants interrogent, vous y êtes, vous voyez effectivement que Dieu n'a pas mis quelqu'un entre le parent et l'enfant, pas vrai? N'est-ce pas, frère? Amen. C'est que Dieu le dit là, il ne dit pas ça dans l'assemblée. Il dit ça à la maison. C'est à la maison que ça va se passer. Donc, comme aujourd'hui, on a essayé de créer les choses, que l'école du dimanche, on va à l'église le dimanche. On prend les enfants, on part, comme les enfants bavardent, on les met à l'écodime. Et comme ça, on va former. Et Satan a les agents là-bas pour leur enseigner, pour inculquer, pour faire. Il y a même des techniques pour les garderies. Les garderies, parce qu'en Europe, les gens ont des garderies, on laisse les enfants pour aller travailler à outrance. Il y a des techniques là-bas, on fait des techniques, on commence à former les enfants dans le yoga. Donc les enfants restent, ils commencent à faire des méditations orientales. Les serpents, la condamnée, ils entrent dans l'enfant. Provenant de la maison, voilà les enfants de New Age qu'on a de former, la sorcellerie. Mais qu'est-ce que le parent fait? Le parent est derrière maman. Il sort très tôt pour choisir. Il dit que non, on va payer la garderie. Vous dépensez, vous tuez et votre neurone et votre temps, vous souffrez comme ça pour aller chercher l'argent, payant les gens qui sont les détruits vos enfants en vous détruisant vous-même. Vous tournez en rond. C'est que Dieu avait dit, vous mangerez à la sueur de ton front, vous souffrez plutôt à la sueur de votre front. Allons-y maintenant dans le Proverbe. Proverbe chapitre 1. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est scandalisant, pas vrai, hein? Le livre de proverbe. Après le psaume, au moins, là, vous pouvez retrouver facilement. Proverbe chapitre 1. Verset 8 du chapitre 1. Écoute, mon fils, l'instruction de ta maîtresse et ne rejette pas l'enseignement de ton école. Car c'est... Pardon? Écoute la chose de ton père, ne rejette pas l'enseignement de ta mère et ta mère. C'est ce qui est écrit chez vous. Mm-hmm. On dit, écoute l'instruction de ta maîtresse et ne rejette pas l'enseignement de ton, de votre école, c'est ça? Mm-hmm. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Car, oui. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. C'est ce qui est écrit chez toi, frère. Mm-hmm. Tu es sûr? Tu es sûr qu'on n'a pas dit que écoute l'instruction de la maîtresse? Mm-hmm. À chaque fois dans la Bible, Dieu lit l'éducation. Dieu n'a pas demandé l'éducation, que ce soit une institution qui forme les enfants. Parce que les institutions sont en arrière-plan, les agences, ou bien les extensions, ou bien les ramifications des évangiles de Satan. C'est parce que c'est pour cela que je parle de l'éducation. C'est soif de l'instruction là maintenant. Mais Dieu dit, l'instruction que l'enfant doit écouter, on lui donne l'injonction d'écouter l'instruction de son père et qu'il ne néglige pas l'enseignement de sa mère. Alors je pose la question aux parents maintenant. Qu'est-ce que le père vaut en tant que père, vous donnez à vos enfants comme instruction? Nous avons parcouru la Bible maintenant avec les versets. On a dit ce que Dieu a dit que les parents disent aux enfants. Est-ce que nous le disons? Il dit l'enseignement de ta mère. Il dit qu'elles sont une couronne. Parce que le parent est censé conduire les enfants comme ça. Donc effectivement, que si le parent n'est pas imprégné de la pensée de Dieu, c'est tout naturel qu'il ne puisse pas dire ce que Dieu pense. Qu'est-ce qu'on fait? On met le Tintin aux enfants. On met manga. Que manga éduque nous les enfants. Et manga, ou aux antennes, le cadre de manga, vous suivez où ça sort, vous allez, ça sort du Japon ou bien de la Chine, le pays des dragons. Et vous voyez dans les, comment ça voit comment les dragons crash, wow, on fait le Nambuto, vous appelez Nakato, Nakutu, Nakato, ils vont dans le soleil et autres. Donc, on a envoyé l'enfant à la reine du ciel, au dieu soleil, au dieu Apollon, au dragon, le serpent ancien. On laisse que ça éduque nos enfants. L'enfant, tout ce qu'il puisse faire, c'est rester, ça nous fait chou! On rit. D'autres encore pour fatiguer les enfants, les inscrire dans les centres de karaté. L'enfant pour quand il finit, fait kiu, kiu, on dit que non, c'est une technique de self-défense. Donc les gens se préparent plutôt à se défendre en luttant. Alors qu'on a dit, il faut qu'on prépare l'enfant plutôt à rencontrer le Seigneur. Les parents sont en train de fuir leurs responsabilités. Mais ce n'est qu'une partie remise. Mettez le doigt ici, allons dans 1 Timothée là. 1 Timothée que je vous donne aujourd'hui, chapitre 5. Si vous voulez fuyez n'importe comment, vous allez tourner, la parole de Dieu va toujours nous arrêter. 1 Timothée chapitre 5. Mettez le doigt dans le proverbe parce qu'on n'a pas encore fini la proverbe. On va lire là-bas et vous donner le truc. Versets 4 et 5. On va lire. 1 Timothée bien-aimé. Notre Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il veut chaque fois que nous nous corrigeons, nous arrimons à sa parole, à sa loi. Donc quand vous êtes sorti d'ici, éduquez vos enfants selon la voie du Seigneur. Préparez-vous parce que les jours sont mauvais. Et le moment va arriver sur la terre où les gens qui ne l'enfantent pas seront heureux. Je vous le dis. Maintenant, verset 24, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'il s'est mis pour les enfants ou les petits-enfants, d'accord? Qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Car cela est agréable au Seigneur, agréable à Dieu. Vous avez vu ça? Donc, il y a le ce qu'on appelle le retour à l'ascenseur. Le retour de l'ascenseur. Quand tu montes, tu descends. Parce que les parents qui sont en train de vieillir maintenant sont en train d'éduquer les enfants. Pour que les enfants soient comme leur canne et soutien plus tard quand eux-mêmes vont vieillir. Vous me suivez ça? Donc, le parent, on forme les enfants. Pendant que l'enfant est en train de grandir, toi tu es en train de vieillir pour devenir comme une espèce d'enfant de notre âge. Alors quand tu vas vieillir, quand tu ne pourras plus marcher, c'est l'enfant qui va te tenir la main. Dieu est en train de dire ici que si les veuves, les gens ont des enfants et des petits-enfants, qu'ils apprennent tout à rendre à leur famille ce qu'ils ont reçu d'eux. Donc Dieu s'attend à ce que la femme ou bien les parents donnent une bonne éducation à l'enfant pour que l'enfant soit tenu de remettre le même respect pour qu'il y ait quand même vieillir. Alors je pose la question, l'enfant grand est comme ça, vous l'amenez à la garderie. Vous dites que c'est les bonnes qui vont le garder. Pas vrai? On va donner les jouets là-bas pour qu'il les garde. Quand lui grandit aussi, il a ses côtes d'argile pour aller jouer. Tu es vieux, il fait comment? Il te met dans l'asile des parents aussi. Pas vrai? Il respecte comme ça le verset qui dit que qu'ils rendent à leurs parents ce qu'ils ont reçu. Parce que dès l'enfant, quand il était petit, vous allez mettre où? À la garderie. Vous ne voulez pas de parce qu'ils dérangent. Maintenant, eux aussi ne veulent pas de vous parce que vous vous dérangez. Ils vous mettent d'abord, vous appelez, c'est pas comment vous appelez ça, l'asile de fou. Souvent, les parents, quand ils dérangent, vous savez, quand vous grandissez, à un moment donné, vous commencez à voir les anciennes choses. Vous voyez comme ça, vous n'avez pas dit que c'est la guerre, parce que peut-être tu es né au temps de la guerre. Les événements te reviennent. Qu'est-ce qu'on fait? On te met là-bas que maman a déjà la paranoïa. Il faut les mettre dans l'asile de fou. Lui, paye aussi là-bas pour qu'on te garde. On te donne le bon outil. Comme toi aussi, tu payais pour qu'on te mette la garderie. L'enfant pleurait, maman, parce qu'il avait besoin de l'amour de maman. Il n'entendait pas de ces cris-là parce que je voulais travailler. Même chose. Et la Bible déclare aussi là qu'ils apprennent à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. La question c'est, souvenez-vous en tant que parents, c'est qu'on se met à vos enfants maintenant, ils vont vous rendre plus tard. Si vous voulez montrer comment honorer Dieu, comment vivre d'après Dieu, quand ils vont grandir, ils vont vous montrer que parents, comment honorer Dieu en vivant d'après les parents. Vous suivez? C'est ça que je veux que vous voyez ici. Que faire attention, la manière que vous suivez, vous faites suivre les enfants une voie aujourd'hui, demain quand vous allez vieux, ils vont faire suivre cette même voie parce que Dieu dit qu'ils apprennent à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Qu'est-ce que tu donnes à tes enfants pour qu'ils demain puissent te rendre en retour? Posez-vous cette question, rentrez dans le proverbe. Comme vous avez ouvert 1 Timothée, mettez quelque chose là parce que vous avez remarqué que j'ai donné 1 Timothée 3 aussi. Demain va revenir plus tard, il ne faut pas que vous commencez à chercher par la suite. Donc, ici, dans ce proverbe chapitre 1, il a dit, écoute mon fils, Dieu, voici Dieu. Dieu regarde la famille. Dieu du haut des cieux regarde la famille. Il y a, c'est composé des parents et des enfants. Dieu se tourne vers l'enfant en train de conseiller l'enfant que écoute l'instruction de ton père. Donc, voici un ordre que Dieu a donné à l'enfant, d'écouter l'instruction de ton père. Tu dois écouter ton père. C'est un enseignement pour eux. Vous suivez? Maintenant, regardons ici. Après, verset 9, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton corps. Vous y êtes. Après, on commence par la suite là-bas à expliquer aux enfants que n'essayez pas de trouver les prendre de voie détournée. Si les pécheurs te disent de prendre une voie détournée, ne marche pas dans cette voie-là. C'est pour ça que les parents doivent être là pour le conseiller que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous devez marcher en craignant Dieu. Passant le temps dans la prière avec les enfants, dans la lecture de la parole, en montrant exactement ce qui arrive, ce qui va arriver sur la terre, ce que Dieu a promis qu'il va faire. Oh, que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. Prenez Proverbe chapitre 10. Notez rapidement, pour qu'on commence, on continue. Proverbe chapitre 10, verset 1. Proverbe chapitre 10, verset 1. Chapitre 13, verset 24. Rapidement. Chapitre 13, verset 24. Vous y êtes. On y va après. Chapitre 15, verset 20. On va parcourir ce verset-là rapidement parce qu'il veut que ça reste imprimé dans votre esprit. Chapitre 19, verset 18. Donc, chapitre 19, verset 18. Notez aussi le verset 13A, la partie A du verset 13. Donc, chapitre 19, verset 13, partie A. Chapitre 20, verset 11. Chapitre 22, verset 15. Chapitre 23, maintenant. Verset 12 à 23. Chapitre 23. Verset 12 à 23. Vous y êtes. Chapitre 29, verset 15 et verset 17. Alors, on commence. On va par suivant là. Chapitre 10, verset 1. Suivez ce que ça dit. Proverbe de Salomon, vous y êtes. Un fils sage fait la joie d'un. Et un fils insensé, le chagrin. Vous avez vu? Pourquoi? Parce que la main a raté son enseignant. Voilà pourquoi quand on passe le temps à dire, les femmes, prenez votre position. Prenez votre position. Mettez le doigt là-bas, personne ne lit pendant qu'ils disent là. Alors vous allez lire des titres. Vous avez ouvert un Timothée aujourd'hui, n'est-ce pas? Rapidement, ouvrez ce même un Timothée, vous feuilletez rapidement après deux Timothées et titres pour qu'on lise quelque chose. Donc vous voyez. Vous avez titre. Ok, titre. Allons au chapitre 2 rapidement. Quand on dit chaque fois que les femmes doivent prendre leur position, les gens ne comprennent pas. Ça doit tellement déprogrammer cette société au point où on voit le noir blanc, le blanc noir. Le haut est devenu en bas, le bas est devenu en haut, le mal est devenu bien, le bien est devenu mal. Satan a fait comme ça pour désorganiser le foyer. Pour désorganiser, parce que le foyer, la famille, c'est le noyau même de la société. C'est le noyau constitutif de la société, le socle de la société. Il garde dans le foyer, c'est pour ça que vous voyez de la délinquance juvénile partout. On crie chaque fois que comment on fait pour résoudre le problème de la délinquance juvénile. Il n'y a pas de solution, ils n'ont pas la solution. La solution se trouve dans la maison. Parce que si les enfants, on enseigne les enfants à craindre Dieu, la Bible déclare qu'il va grandir, il ne va pas s'en détourner. Titre chapitre 2, regardez ici. Verset 3. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisant, ni à donner au vent. Qu'elles doivent, souligner qu'elles doivent. Vous avez vu? Ici, ça veut dire que c'est un commandeur. Vous êtes posé avec moi. Ça veut dire que c'est un commandement. Qu'elles doivent donner des bonnes instructions. Vous avez vu ce que... On parle aux femmes ici. Qu'elles doivent donner des bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Vous avez vu? Or, pour qu'elles puissent apprendre ceci, il faut qu'elles aient vécu cela. Comment est-ce qu'on aime son mari? Comment est-ce qu'on s'occupe de ses enfants? On dit, voici l'enseignement que les femmes âgées, ceux qui sont mûrs, doivent donner. Vous me suivez, frère? Il dit, à être retenu chaste, occupé aux soins domestiques. Ça, c'est le Nouveau Testament. Ce n'est pas l'Ancien Testament. Quand on dit ça aujourd'hui, on dit, non, c'est l'ancienne période. On veut que les femmes restent toujours à la maison, vous restez accusées. C'est le Nouveau Testament, ça. Dis à ton voisin, c'est le Nouveau Testament. C'est le Nouveau Testament. Si tu ne comprends pas le Nouveau Testament, ça veut dire qu'après que Jésus soit mort, comme a écrit l'autre aussi. Voilà. Donc, il dit ici qu'à être retenu chaste, occupé aux soins domestiques. On dit ça que les femmes doivent faire ceci. Occupé aux soins domestiques, bonne, soumise à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Si l'une de ces choses qu'on a citées ici est manquante, la parole de Dieu est blasphémée. Vous y êtes? Vous avez vu, n'est-ce pas? Rentrons dans le livre des Proverbes. Donc, on dit ici donc que un fils sage fait quoi? La joie de son père. Quand l'enfant échoue, c'est que c'est qui? La mère. Parce qu'en réalité, le père n'est pas censé être à la maison. C'est la mère qui doit passer le temps avec lui pour donner. C'est pour ça que dans le Proverbe, vous allez remarquer au chapitre 1, il dit que, écoute les instructions de ton père. Le père donne les instructions. Je ne vais pas te voir dehors la nuit. Je ne vais pas voir ceci. L'enseignement, donc, le développement de ça, le pourquoi le père le dit. Le bien séant de cela. Le pourquoi le père ne veut pas que cette chose passe, c'est à la mère d'inculquer ça à ses enfants. Me suivez, frères et sœurs. Ok. Donc, le chapitre 10, donc on a lu. Le prochain verset, c'est quoi? 13-24. Chapitre 13, verset 24. Écoutez tout attentivement. Verset 24 dit quoi? Celui qui ménage sa verge est son fils. Il veut que vous ayez ça devant vos yeux pour que je lise. Quand vous entendez verge, vous savez ce que j'avais dit, n'est-ce pas? Ok. En un langage, c'est que celui qui enlève la chicotte est son fils. Celui qui ne chicote pas son enfant est son enfant. C'est ce que la Bible en train de dire. Celui qui ménage sa verge est son fils. Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. La question c'est, vous pensez que ces gens-là aiment nos enfants? Vous voyez comment ils utilisent certaines campagnes. On passe de maison en maison pour donner les gouttes de vaccination et autres là-bas. Vous pensez que ces enfants, s'ils les aiment, qu'est-ce qu'ils sont injectés à long terme dans la vie des enfants? Ici, on vote les lois pour détruire ses enfants. Ici, on cherche à les protéger. Ou contre le paludisme, même paludisme, vous allez à l'hôpital, vous pouvez en mourir, personne ne s'occupe de vous. Mais on cherche des enfants, on dit qu'ils luttent contre cela. Et toi qui es vivant, tu vas, on ne veut pas te donner. Qu'est-ce qu'on cherche sur ces enfants-ci? Vous devez poser les bonnes questions. Vous devez poser les bonnes questions. Satan s'est légué contre la volonté de Dieu. La Bible déclare ici là que celui qui ménage sa verge est son fils. Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Et on dit, dans cette loi, les lois des hommes, qu'on ne doit pas taper sur les enfants. On ne doit pas corriger les enfants, on ne doit pas les réprimander ainsi. Parce que ça traumatise les enfants. On va faire les mauvais services sur les enfants. Bon, de toute façon, prochain verset. 15. Chapitre 15, verset 20. On a réitéré encore le verset du Proverbe chapitre 10, n'est-ce pas? C'est encore le verset du chapitre 10, verset 1 là-bas. Prochain verset. 19, 18. Châtie ton fils. Dis à ton voisin, châtie ton fils. Châtie ton fils. Nous sommes dans le Proverbe chapitre 19, verset 18 là, n'est-ce pas? Châtie ton fils, car il y a encore des l'espérance. Bon, alors châtie, il y a l'espérance. Tu désires, tu as l'espoir de faire sortir en lui une chose meilleure. Car il y a encore de l'espérance. Puis il dit, mais ne désire point de le faire mourir. Mais les parents aujourd'hui vendent leurs enfants à la sorcellerie. Ils ne châtient même pas seulement, ils vendent que tout le corps. Avant son prochain verset. Chapitre 1. Chapitre 19, là, verset 13, la partie à regarder bien. Un fils insensé est une calamité pour son père. Voilà la partie A. Regardez. Un fils insensé. Le but donc pour lequel on veut que ne pas te passer c'est pour que les enfants soient les délinquants. On dit que c'est une calamité pour son père. Donc, quelqu'un qui va donner les crises cardiaques à son père. Un fils insensé. Et c'est justement l'esprit d'insensé là que Dieu veut qu'on corrige, qu'on enlève ça dans le cœur des enfants. Et c'est ça que Satan a dit qu'on ne touche pas. On avance. Chapitre 20 maintenant, verset 11. Regardez bien. L'enfant laisse déjà voir par... Nous sommes verset 11 du chapitre 20. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Donc, effectivement, vous voyez un enfant qui sera têtu. Vous voyez un enfant qui dit que non, l'enfant sera têtu. Voici un cas ici, il faut qu'il le traite rapidement. C'est la réaction de tout parent. Parce qu'il y a des choses qu'il faut corriger rapidement. Rapidement, avant que ça ne naisse. On dit, quand tu observes l'enfant dès la jeunesse, vous pouvez savoir si l'enfant, ses conduites seront droites et pures. Et si ce n'est pas droit et pur, qu'est-ce que tu fais? Tu prends des mesures rapidement pour pouvoir régler ce problème. Parce que vous savez, il y a l'arbre qu'on appelle le goyave, par exemple, quand c'est jeune, c'est tort, vous pouvez manifestement attacher quelque chose en bas et attacher pour redresser. Mais quand ça vieillit déjà, ça tord, vous ne pouvez plus rien. C'est tordu, c'est tordu, irrécupérable. Vous ne pouvez plus modifier. Avançons au prochain verset rapidement. 22, verset 15. On y va. Verset 6. Verset 6 du chapitre 22. Vous avez noté ça, n'est-ce pas? Chapitre 22, verset 6, et puis le verset 15. Il dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est Dieu qui a dit, frère. Est-ce que c'est Dieu qui a dit cela? On n'est pas d'accord avec lui. On n'est pas d'accord avec lui, aller en France. Verset 15, on y va. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Le PlayStation réglera le problème. La verge de la correction l'éloignera de lui. C'est encore ça. Hein? On a dit le PlayStation. C'est ça? La verge de la correction l'éloignera de lui. Ok. Et quoi, c'était la PlayStation qui devait régler le problème. Il dit c'est la verge de la correction l'éloignera de lui. Donc il y a un esprit qui naturellement est attaché au cœur des enfants pour pouvoir les pousser à la folie. Dieu dit, le genre d'esprit, si, il ne faut pas lui imposer les mains. Non, c'est la chicotte qui chasse le genre d'esprit. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Quand l'enfant sort, la folie est attachée à son cœur. En chicotant l'enfant, ça lâche. Parce qu'il écoute l'instruction avec la chicotte. Continuons, chapitre 23 maintenant, c'est ça? 23, 12. 12, c'est le plus long, n'est-ce pas? 12 à 15, à 23 et quoi. Maintenant, écoutez très attentivement. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. Première chose, n'épargne pas la correction à l'enfant. Vous avez vu ça? Si tu le frappes de la vache, il ne mourra pas. On en a parlé de frapper, là, pour que quelqu'un ne dit pas qu'on parlait de crier. Non, non, c'est la parabole. En le frappant de la vache, tu délivres son âme du séjour des morts. Ça veut dire que frère, quand tu arrêtes ta chicotte, tu fais pam, pam, pam sur l'enfant. Tu es en train de l'aimer ou tu ne l'aimes pas. On dit tu délivres son âme du séjour des morts. Ça veut dire que si tu caches la chicotte, tu es en train de dire que va au séjour des morts. Vous voyez ce que le monde est en train de nous faire faire. Vous avez ça, frère? Ok. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Mes entrailles seront émues d'allégresse. Quand tes lèvres diront ce qui est droit, que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'ils aient toujours la crainte de l'Éternel. Car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Écoute mon fils et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi les buveurs de vin. C'est grave en Europe, vous entendez les accidents qui sont causés par les enfants qui prennent les voitures de leur papa après avoir bu, pas de faire l'accident. Là, on ne dit absolument rien. On ne fait pas de mesures pour pouvoir empêcher cela. Ça, c'est bon. Parmi ceux qui font excès de viande, car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès s'appauvrit et l'assoupissement fait porter des haillons. Écoute ton père, lui qui t'a engendré. On a demandé qu'on écoute des institutions de l'ONU, qu'on écoute l'éducation américaine. On demande à l'enfant d'écouter qui? Son père. C'est pour cela que les enfants qui nous écoutent, l'enfant doit faire comprendre, le parent doit faire comprendre à l'enfant que ce n'est pas ton père, ce n'est pas à ton père de mettre en pratique ce que tu dois mettre en pratique. Moi, ton père, j'ai seulement à te dire ce que je dois faire. Sache que si tu péris plus tard, tu te prêt, tu te tiens devant le jugement de Dieu, tu vas rendre compte à Dieu. Si tu prends l'éducation que les parents, l'école a donnée, comme droit, parce qu'on vous a donné le droit, en portant les haillons et les galons, en te vantant, sache que tôt ou tard, ils vont mourir, ils vont se positionner devant Dieu. Tu vas te positionner devant Dieu. Mais moi, ton père, je te conseille et je t'ordonne de suivre cette voie. C'est ce que les parents vont dire aux enfants. Me suivez. Donc les parents doivent appeler les enfants pour les faire écouter ce genre d'enseignement. Écoutez ce que Dieu vous dit de faire. Donc les parents doivent ordonner aux enfants. Les enfants doivent. Vous savez, on est dans l'époque des grandes libertés, des grands libertinages, où on croit que les enfants peuvent faire n'importe quoi, doivent faire n'importe quoi. Ils pensent effectivement que comme on nous a donné cette joie-là, l'enfant claque la porte à son parent. Les enfants parlent là où les parents se trouvent, ils croisent les pieds, frère. L'enfant croise les pieds en regardant son père dans les yeux. Machin de pied. Le père dit que je suis désobéi, papa, je ne veux pas le faire. Un enfant dit ça à son père. 21e siècle, hoyé. Mais c'est venu. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Vous avez vu ça, frère? Acquiert la vérité, ne la vend pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Le père du juste est dans l'allégresse. Celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Que ton père et ta mère se réjouissent. Donc l'enfant va faire que ton père et ta mère se réjouissent. Que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. C'est Dieu qui dit ça aux enfants. Mon fils, donne-moi son cœur. Donc que l'enfant donne son cœur au Seigneur, qu'il s'approuve le Seigneur et que ses yeux se plaisent aux voies de Dieu. Donc qu'il commence à marcher dans la voie de Dieu. Vous y êtes, mes frères. Continuons. Quoi maintenant? Chapitre 29, 17. D'abord, n'est-ce pas? C'est pas 15 à 17, c'est le verset 15 puis le verset 17. D'accord? Verset 15. La verge et la correction donnent la sagesse. Vous avez vu ça? Donc la chicotte et la correction donnent la sagesse. Vous avez vu? Vous êtes avec moi, frère? Oui, oui. Vous êtes fâché, bossé. Contre moi, vous êtes fâché. Oh, mais c'est pas croyable. La verge et la correction donnent la sagesse. Mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Vous avez vu ça? Chaque fois qu'on va lire la pensée à la loi qu'on a donné de voter pour pousser les enfants avec les parents à être dans le conflit. À l'enfant à pousser, à marcher dans l'indépendance. On dit, la verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Verset 17 maintenant. Châtie ton fils et il te donnera du repos. Et il procurera des délices à ton âme. On dit qu'on châtie. L'enfant va comprendre plus tard quand il va réussir que oh, mon père m'avait corrigé. Et la Bible déclare dans le livre d'Hébreux chapitre 12, dans le livre d'Hébreux chapitre 12, la Bible déclare que c'est vrai que tout châtiment semble devoir être un sujet de tristesse. Que ce n'est pas en nous tuant que Dieu nous châtie. Que même nos pères, dans nos jours, la Bible déclare, c'est le Nouveau Testament, là, il commence à expliquer que même nos pères, lui-même, nous châtiaient. C'est peut-être pour notre bien. De la même façon, Dieu nous châtie pour notre bien. Il ne nous châtie pas. C'est pour ça que quand les difficultés nous arrivent, c'est le moyen de Dieu, en tant que père, de nous châtier. Quand Dieu commet de mal et autres là-bas, la Bible déclare même qu'il ne nous châtie pas selon notre iniquité. Il ne nous châtie pas en proportion des péchés que nous avons commis. Donc il châtie comme ça pour nous corriger, afin que nous participions à sa sainteté. Amen. Amen. Lisons 1 Timothée chapitre 3. Je crois que je vous ai donné ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Lisons rapidement et puis on termine. Après, je vais vous donner donc, poser quelques questions. 1 Timothée chapitre 3, c'est ça, n'est-ce pas? Verset 4 et 5, c'est ça? C'est ça, n'est-ce pas, frère? On parle ici de l'évêque, des enseignants, des pasteurs, des différents dirigeants de l'église. Prenons la partie verset vous-même d'abord pour commencer. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Verset 4 maintenant. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Donc Dieu est sans transition. C'est un intransigeant ici par rapport à ceux qui sont en train de diriger la parole. Ceux qui enseignent la parole doivent avoir des enfants, dont les premiers rebelles face à la loi européenne. À cette loi-ci, pour violer la loi de Dieu. Ceux qui veulent cette loi-ci, que nous avons suivi maintenant, les premiers violeurs de cette loi doivent être les pasteurs. Mais c'est malheureux qu'on voit les pasteurs aujourd'hui avec les enfants homosexuels. On dit, attends, un pasteur vient déclarer que ma fille est lesbienne, je la soutiens dans cette cause. Mon fils est lesbien, il a choisi l'orientation de son sexe. Vous voyez comment la pensée européenne peut avoir compromis. Mais la Bible déclare que les enseignants de la Bible doivent diriger bien leur propre maison, tenir leurs enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Puis il dit, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Donc tout pasteur qui a ses enfants dans l'insoumission, dans l'homosexualité, est disqualifié pour prêcher. Alors vous pouvez dire avec certitude à quelqu'un qui se trouve dans son assemblée de quitter rapidement l'endroit. Parce qu'il va être injecté l'onction de l'homosexualité. Il va être injecté l'onction de la rébellion. Il ne peut pas t'enseigner comment diriger ton enfant à la maison. Parce qu'il a perdu la bataille chez lui. Il est disqualifié. Voilà pourquoi il a dit si quelqu'un aspire à un chef d'évêque, voici comment ça va se passer. Il faut que le terrain d'entraînement d'abord c'est sa propre maison. Osée, chapitre 2 Timothée chapitre 3, puisque nous y sommes. 2 Timothée chapitre 3. Que Dieu vous bénisse, frère. Amen. 2 Timothée chapitre 3. À partir du verset 1, il dit, sache que dans les derniers jours, nous y sommes, frère, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfaron, hautain, blasphémateur, souligné, rebelle à l'heure. Vous avez vu, n'est-ce pas? Vous avez vu? Ingrat, irreligieux, insensible, déloyaux, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien. Donc, toute personne qui va vouloir faire le bien, on est son ennemi. C'est pour ça que vous avez vu comment cette femme-là disait que là, dans son développement, il a dit que ça veut dire qu'on va voter les lois pour interdire d'interdire. Toute personne qui va marcher dans la loi de moralité, vont être exclus. Donc les gens seront ennemis des gens de bien. Les gens qui font plutôt le bien, on sera plutôt son ennemi. Vous avez vu ce qu'il écrit? C'est écrit sur l'esprit des derniers temps. Ennemis des gens de bien. Traître. Donc ça veut dire que pendant que tu vas vivre comme ça, tu vas dire que mes parents, mes enfants ne vont pas me faire quelqu'un pour parler. Il y a quelqu'un là-bas qui fait comme ça. Traître. Emporté, enflé d'orgueil. Aimant le plaisir plus que Dieu. Donc c'est prévu que l'amour du monde, l'amour de la volupté, l'amour de la vanité grandisse plus que Dieu. Qu'est-ce que vous en dites là, mes chers amis? Concluons. Psaume 127. Psaume 127. Et quand vous avez donné également ça, n'est-ce pas? Psaume 128. Satan s'est attaqué à la famille. Au début des siècles, au début des millénaires, il s'est attaqué au père et à la mère en commettant l'adultère, en les poussant à l'adultère. À la fin des siècles, il s'est attaqué au royaume en attaquant les enfants qui sont le modèle type même du royaume dont nous sommes en train de prêcher. Psaume 127 et psaume 128. On y va. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent. Encore. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent. En fait, avec le contexte de ce que nous sommes de l'Église, ça veut dire clairement que si votre foyer, votre maison n'est pas bâtie selon le modèle du Seigneur, vous construisez sur du sable mouvant. Vous entendez? Parce que comment l'Éternel bâtit une maison? C'est en prenant Christ Jésus comme le socle, comme la fondation, comme le modèle exemplaire de la maison. Si votre foyer n'est pas bâti sur le modèle de Christ, oubliez. Oubliez. Et pêle-mêle dans la Bible, je vais donner Éphésiens chapitre 6 aujourd'hui. On va donner la règle pour toute la maison. Les enfants, comme ces enfants ont resté tout à l'heure, les parents, la conduite des femmes dans leur foyer, de la maman, du père dans leur foyer avec les enfants, la relation avec le père et la mère, le père et les enfants, il va régler le père avec les gens qui ont les serviteurs à la maison, avec l'État. Je vais donner Colossiens chapitre 3 aujourd'hui, verset 18 à 22, n'est-ce pas? C'est ça, frère? Non, mais c'est pas incroyable ça. C'est ça? Chapitre 3 des Colossiens, verset 18 à 22. Amen. Mettez le doigt dans cette psaume, c'est allons là-bas. Regardons ça. Colossiens. Bon, comme vous êtes fatigué, on vous laisse. Je vous laisse. Donc, je vais finir de lire ça. Colossiens, chapitre 3, verset 18 à 22. Que Dieu vous bénisse. Souvenez-vous, les commandements de notre Seigneur ne sont pas punis. Le Seigneur Jésus a dit dans le livre des Jean, chapitre 14, que celui qui m'aime garde mes commandements. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 16, verset 22, que celui qui n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Et le Seigneur dit dans ces Jean, chapitre 14, que celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes commandements. Donc si vous refusez de taper vos enfants, parce que vous êtes en train de vouloir respecter la loi humaine, vous n'aimez pas le Seigneur. Vous allez beau dire n'importe quoi, chanter son nom n'importe comment, parce que la preuve que nous aimons, c'est que nous gardons ses commandements. Nous avons vu au moins déjà 30 versets maintenant qui parlent de ces choses-ci, sur l'éducation des enfants. Il faut qu'on fasse attention. Si Dieu a pris le temps de dire qu'il faut que vous inculquiez ça aux enfants, il a pris son temps pour prendre son doigt pour écrire un commandement spécifique pour les enfants. Il faut qu'on fasse attention. S'il a pris le temps en venant sur la terre, en donnant que les gens voulaient empêcher les enfants, c'est du coup, c'est là qu'on a commencé dans Matthieu chapitre 19, en prenant l'exemple pour les enfants comme royaume, il faut qu'on fasse attention. Colossiens chapitre 3, verset 18 à 22. Qu'est-ce que ça dit? Je suis là. Chapitre 3. Regardez. Femme, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Vous y êtes. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Vous voyez comment il règle la situation, n'est-ce pas? Enfants, on a fini avec la femme. On touche maintenant, on a touché les maris, maintenant on est sur les enfants. Enfants, obéissez en toutes choses à votre école, car cela est agréable dans le Seigneur. Vous avez vu ça? On a dit qu'il doit être obéissant en toutes choses en qui? Donc si les enfants nous écoutent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut qu'ils sachent que Dieu s'attend à ce qu'ils obéissent plutôt à ses parents. Le parent doit le conduire dans la voie du Seigneur. Donc les parents doivent appeler, tous les parents qui habitent dans les zones européennes doivent appeler les enfants. Les parents chrétiens doivent faire une réunion familiale d'urgence. Mettre les enfants en disant que voici la loi, ce que la loi prévoit, qu'on ne vous tape pas. Je suis obligé de vous taper. Si vous voulez, on m'enferme, vous allez aller vivre dans les pensionnats. On va me retirer votre garde, mais plus tard, je serai quitte de vos ans. Tout parent qui va épargner la veste de la correction, la Bible déclare qu'il hait son fils. Et si tu hais ton fils, tu le pousses au séjour des morts. Donc il faut prendre position. Il faut prendre position. C'est ainsi que la maison sera bâtie sur le Seigneur. Il dit ici donc, père, vous avez, père. Remarquez bien que vous voyez, on a dit femme en haut. Marie, parce qu'on parle entre, c'est la relation mari et femme. Puis on touche enfant, après on touche père. Donc c'est père et fils ici. Père, verset 21, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça, frère? Voilà donc comment Dieu a réglé la chose. Donc depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, ça n'a pas changé. Vous allez à Apocalypse, vous allez voir même les petits enfants qui se tiennent devant le trône. On dit que toute langue, tout peuple, petits et grands, qui se tiennent devant le trône. Faisons attention. Conduisons nos enfants vers la voie droite qu'ils doivent choisir. D'accord? Prenons dans le psaume 27, 100 verset. Donc, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Écoutez d'abord, écoutez très attentivement. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il a des dire que les gens du monde se lèvent très tôt, 5 heures ils sont dehors pour aller chercher l'argent. Il dit que le pain de douleur, que avant que tu manges, que toi-même tu as vu ta part. Pas vrai? Mais qu'est-ce que la Bible déclare? Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc Dieu dirige pendant que les enfants dans la nuit. Il leur donne le projet sur lequel comment ils vont sortir le matin pour aller faire les choses parce qu'ils se plaisent à sa voix. Vous voyez, c'est pour ça que dans ce psaume 1 que celui-ci a lu, il dit que tout ce qu'il fait lui réussit. Tu vas voir effectivement que les gens se trouvent dans le monde, ils laissent faire effectivement les choses de Dieu. Ils sont dans le monde, ils courent pour aller réussir, ils travaillent avec vanité. Souvenez-vous de ce qu'on a vu ici une fois dans ce livre d'Ecclésiaste, que nous avons mis le travail avec l'homme travail de ses propres mains, que les deux mains remplies avec le travail poursuit devant, mais ça vaut la peine d'avoir une main suffisante, mais avec repos, pas vrai? Donc l'homme sort à 5 heures, il faut qu'il parte au travail, après à monter, il mange le soir, il mange seulement des petites miettes, il dort, il tombe. La Bible déclare que c'est bien aimé, Dieu leur donne le pain pendant le sommeil. Donc Dieu lui donne les indications pour réussir pendant le sommeil parce qu'ils font le délit du Seigneur. Dieu peut te faire réussir. Le standard, Dieu n'est jamais, il n'y a pas un verset ici qui dit qu'il faut aller à l'école pour réussir. Vous avez ça dans la Bible? Vous avez vu un verset de la Bible qui dit qu'il faut aller à l'école pour être un bon type de main? Oh, mais vous dites ce que la Bible déclare. Que ce livre de la loi, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Poum. Le but de la méditation, c'est pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Vous avez vu ça, frère? Vous avez vu? Citez-moi un agrégé qui a sauvé du monde de la famille. Donne-moi un nom. Citez-moi un agrégé qui a sauvé le monde de la famille. Et je vais vous montrer un prisonnier qui a sauvé tout un monde de la famille. Sans avoir fréquenté, mais parce qu'il était en communion avec Dieu. Citez-moi un médecin qui a éradiqué la maladie, ressuscité quelqu'un de la mort. Citez-moi un. Je vais vous montrer un grand docteur qui a sauvé les gens en prononçant le nom de Jésus. Citez-moi un. N'est-ce pas le fléau que pour parcourir la société? Il prend ça, ces deux fléaux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en connexion avec le Seigneur Jésus. Pas vrai? Alors, toute la science que nous avons, le mouvement que nous avons là-bas, si ton souffle sort, il peut revenir. Nous avons vu clairement, la Bible déclare dans Actes des Apôtres, chapitre 9, qu'il y avait parmi les disciples une femme nommée Tabithas. Tabitha, Dorcas, c'est ça non? Amen. Elle était morte, on l'a mis dans la chambre haute. Pierre est venu, il s'est mis à prosterner. Il allait dans l'hôpital, dans la formation des hommes. C'est ça non? Il s'est tourné là-bas, il a dit, Tabitha, lève-toi. C'est scientifique ça? C'est scientifique. Il a mis le gaz à oxygène, il a mis dans une vitre fermée, il a mis le paracétamol, il a commencé, fais attention avec Dieu. Alors, psaume verset 3. Voici, des fils sont un héritage de qui? Vous avez vu ça? Il dit c'est pour ça que Satan s'engage à lutter contre les enfants. Satan veut utiliser l'armée des enfants plus tard, prendre ça pour lui. Et Dieu dit que les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Donc, un, vous parlez. Sachez que c'est une récompense que Dieu vous a donnée en temps pour les enfants, avec les enfants. Donc, c'est un cadeau. Dieu vous donne le cadeau. Satan vous dit détruisez ses enfants. Vous acceptez Satan, vous recevez ce que Dieu a fait. Où est-ce qu'on se retrouve? Où est-ce qu'on se retrouve? On obéit à Dieu ou bien à Satan? La Bible déclare que les enfants là sont les héritages de l'Éternel. Que ce sont les récompenses que Dieu a données. Mais Satan a nous donné l'injonction de les détruire. Et la Bible déclare que celui qui a la vache de la corruption détruit comme ça son enfant. C'est pas ça, frère? Verset 4. Comme les flèches dans la main d'un guerrier. Je veux que vous compreniez la comparaison que le Saint-Esprit a utilisée. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Prenez l'exemple pour vous comprendre ce que le Saint-Esprit veut dire. Où tu pars en guerre, tu as ton âme avec toi. Ton salut se retrouve où là? Ton salut est au bout de quoi? Au bout de ton âme. Si tu rencontres quelqu'un, tu as ton âme que tu as. Là, tu fais crac crac, tu fais que la balle finit. Tu sais effectivement que là tu es mort, pas vrai? Tant que tu as le cadeau, tu sais que tu vas en découdre pour résoudre le problème. Donc si on te met, on dit, oh les mains, tu lèves la main, on enlève l'âme. La première chose qu'on fait, c'est on enlève ton âme. Parce que c'est sur ça que repose ton espérance. Quand on enlève ton âme, tu sais que tu es déjà battu, pas vrai? Dieu dit donc, il compare ici cette âme-là à des enfants que l'homme aura dans sa jeunesse. Donc pour dire que ta vieillesse plus tard dépend de la jeunesse de ton enfant. On a vu ça aujourd'hui, qu'ils apprennent à rendre à ses parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Donc, les enfants sont notre âme. Nos enfants sont nos âmes. Il faut qu'on en fasse bon usage. D'accord? Puis il dit, heureux l'homme qui en a rempli son kakwa. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Vous avez vu cela? Vous avez vu ça? Mettez-vous en garde maintenant contre Satan. Levez-vous. Je crois que ce sont les choses comme ça, les lois, c'est ce qui va amener la persécution sur l'église. Mettez-vous en garde, levons-nous maintenant pour lutter contre ces lois-là. D'accord? Dis à ton voisin, tape ton enfant. Tape ton enfant. Même si Satan dit quoi? Même si on te fait quoi? Ta. Si la police vient t'arrêter. Devant eux. Donne deux paires de chiffres. Comme ça, ils t'amènent bien. Comment le répéter doucement? Comme ça, ils t'amènent bien. Voilà. Somme 128, maintenant, on finit par là. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde. Vous savez quand la femme est féconde, vous savez ce que ça produit. Hein, frère? Amen. Dans l'intérieur de ta maison. Ta femme, on dit, ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. Vous avez ça, frère? C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Yerushalayim tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Quelqu'un dit Shalom Israël. Shalom Israël. Donc Dieu promet ici que celui qui craint l'Éternel, sa maison sera bâtie autour de ces choses, de ces choses. Dieu va remplir sa femme de fécondité et les enfants seront là, il va avoir les fils de ses fils. Donc il s'attend à ce qu'on perpétue la crainte de l'Éternel. Et chez sa femme, et chez ses enfants, et chez ses petits-fils. Alors l'apôtre pose la question, sommes-nous prêts à en découdre avec contre les lois sataniques? Amen. Si vous pouvez vous trouver dans un pays européen, vous envoyez vos enfants là-bas et autres là-bas, vous allez là-bas, vous avez vos frères, vos soeurs là-bas qui désobéissent. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Sommes-nous prêts donc à en découdre pour toutes les lois? Ceci est équivalent pour toutes les lois qui seront votées, qui seront contre la Bible. L'heure arrive donc. Il va falloir qu'on tienne ferme pour Dieu. Tenir ferme pour Dieu, ça veut dire que fais exactement, quand ton enfant commet des fautes, tu fais exactement ce que la Bible a déclaré. Rejeter Dieu veut dire que si ton enfant fait quelque chose qui mérite la bastonnade, tu dis, tu vas voir. Continue comme ça seulement, tu vas voir. Que Dieu vous bénisse. Amen.